Quelle vidéo de ouf. Ouais. Maître Gims qui part sur une petite voiture électrique pour enfants dans le parking. C'est croyez-moi, génial. Ça n'arrivera pas tous les jours. Ouais. Elle était ouf cette vidéo. Allez la voir sur notre chaîne YouTube. En forme, hein. On vous la refait tourner. Elle était en forme. Il ça fait en plaisir. Forme, ça, la semaine va bientôt se terminer. Vous imaginez. Et on surtout est presque... hier, on a fait un live YouTube énorme. De chez moi. Ouais, c'était ouf. C'était ouf. T'as rangé. Plus jamais. Vous avez foutu le bordel. Vous avez piqué tous mes bonbons. Ça m'a saoulé. Tout à l'heure. Bonne journée. Que c'est bientôt le week-end. Vous avez vu la ouais, je ressemble. Ouais. Ils m'ont mis les cheveux d'Amir. Ah, ça te va bien. Ouais, vous me rajoutez un petit rien et j'ai la tête d'Amir. Il sera notre invité tout à l'heure. And you wanna get it real strong. Album. J'aime bien Amir, moi. N'oubliez pas, il y a plein de gens qui vont venir demain. Vous allez découvrir la tête de cette jeune fille. Elle s'appelle Evangeline. J'adore. La semaine prochaine, on aura Alonso qui va passer. Binta, Binta, Binta. Puis alors là, dans les jours qui viennent, là, c'est la folie. Lady Gaga va venir. Hein, Lady Gaga sera là, sera ici. Kenji va revenir. Il y aura Pitbull. Robbie Williams. Plein d'autres, hein, MHD et tout, hein, une tripotée qui vont arriver. On aura Gad Elmaleh, Kev Adams qui va venir le même jour qu'Alvaro Soler. On va qu'il vienne avec les paroles. Hein. Dans cette émission aujourd'hui, on fera un check ton bahut pour voir un petit peu si vraiment le bahut mérite le label qualité Koé. Après les asticots dans la carbonara. Ouais, mardi. On s'occupera de la suite, on aura la petite annonce de merde. Ah, alors celle-là. Ça fait un moment là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite annonce de merde et je peux juste vous dire un truc. La petite annonce de merde d'aujourd'hui portera bien son nom. Oui, je c'est pense, ouais. Peut pas vous en dire plus, mais si vous faites travailler votre imagination, vous allez vite savoir de quoi ça parle. On aura du super jeu, on aura donc Amir qui va passer, on vous offrira encore des places tout frais payés, super VIP avec le transport, l'hébergement pour venir nous voir au parc Astérix. Voilà, à l'occasion de la peur sur le parc. Et les auditeurs qui viennent nous voir dans le studio, ils vont avoir des places ou pas? Peut-être, oui. C'est-à-dire que dans le public, là, s'il y a des gens qui veulent venir nous voir, ils auront peut-être des places. Mais seulement ceux qui sont sûrs de venir. Ouais, bien sûr. Pas piquer des places aux autres. En plus, c'est pendant les vacances de la Toussaint. On va affréter des bus avec des auditeurs qui pourront partir au départ de la radio pour aller au parc et passer la journée là-bas et nous voir le soir. C'est génial, ça. Ah oui? C'est génial. Des bus de où? De Paris, là. D'ici? Ça fait 8 heures pour y aller alors. Ouais, c'est un très vieux bus. Non, c'est long pour le coup. Non, c'est quoi? Ah, c'est une petite heure quand même. Bonne heure, oui. Si c'est le matin dans les transports, une bonne heure et demie. Bonne journée. Voilà, le retour, ça va aller, il n'y a pas grand monde. Mais pour y aller, il y a du monde. Et alors, je voudrais quand même parler de cette info que je ne savais pas. On apprend des trucs dans cette émission. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que c'est que la agalmatophilie? Agalmatophilie. C'est les gens qui font la chanson Agalto mauvais de mauvais. Non. Ça c'est les Agalto de mauvais de phobes. Ah oui, pardon. Ça n'a rien à voir. La philie, c'est quand on aime quelque chose. La philie, c'est quand on aime. Agalmatophilie. Micro dans quelqu'un du public, ça fait donc deux fois que. Agalmatophilie. Ça marche. Jeune homme, le prénom? Alexandre. Ça va, Alexandre? Oui. Tu fais quoi comme étude? Là, je fais pas d'études, je suis venu pour travailler. D'accord, ok, bah t'as raison. C'est quoi la agalmatophilie? Je sais pas du tout. À côté, la demoiselle a l'air intelligente. Mais pourquoi c'est toujours des noms à la con? C'est pas du tout, aucune idée. Ni idée non plus. Tu sais pas ce que c'est? Mais quel premier rang de gens pas malins, toi non plus. Je fais un bac pro. Mais alors, c'est quoi, excuse-moi, je fais un bac pro, moi, les matatophibies, je sais pas ce que c'est, moi. À côté, mademoiselle, tu fais quoi, toi? Je suis à Paris Dauphine. Ah, tu devrais savoir, Dauphine. On est haut de gamme là. Vous allez arrêter de laisser traîner vos merdes dans le parc. Il habite en face. Parce que moi j'habite là. Vous allez arrêter parce que tous les matins je traverse ce parc pour aller faire du sport. Tous les matins il y a des bouteilles de bière et compagnie. Mais non. C'est pas les charclos, c'est les jeunes qui viennent de l'université. Le parc il est fermé, la nuit ça picole et ça laisse les bouteilles dans un état c'est truc. Vrai. J'ai fait une photo la dernière fois, les bouteilles, et en second plan, il y avait la fac. J'ai failli faire une bonne pub. Bravo, Université Dauphine. Tu picoles pas, toi? Non, c'est toujours les autres. Évidemment, moi je mange que des cacahuètes et des pistaches. Alors, la agalmatophilie? J'en ai aucune idée. Ah, d'accord. Bon, à côté. Ah, il cherche ça depuis tout à l'heure. Ah, il cherche, il parle avec toi. Ouais. Ah, petite idée? Vous parlez quand même, hein. C'est un concept. À la radio, c'est un concept. Hein. Aucune idée. Hein. Okay, et à côté, elle termine par toi? Non, moi je sais pas. Alors c'est d'une facilité quand vous allez le savoir. Mais genre tu le savais avant de dire ça. Mais bien sûr que je le savais. Et il l'a pris en spécialité en bac en 5e année après, LV3. Bien sûr, l'agalmatophilie, c'est être attiré sexuellement par les statues et les mannequins dans les boutiques. Ah ouais, voilà. Ah ouais, donc vous l'êtes tous quoi. En gros, tu passes. Les mannequins dans les vitrines. Sérieux, t'as déjà vu un mec qui passe devant une statue dans un square et qui fait Ah, j'ai envie d'aller me frotter. Non, mais t'as je vais prendre la Vénus de Milo, elle a pas de bras. Mais si, moi, l'autre fois, j'ai fait une photo avec un mannequin dans une boutique. S'il avait mis la main dans la poche, t'avais l'impression qu'il était en train de se manger. Tu vois, c'est piètre. Non, à la limite, les mannequins dans les îles sont sympas. Parce que moi, je suis allé la dernière fois à la Martinique faire le one man. Et après, ils disent non. Parce que les tailles mannequins. Dans les îles, change. Miami, les mannequins, ils leur ont mis des gros nichons parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont des seins siliconés. Et dans les îles, comme les Antilles, et s'il y en a qui habitent là-bas, ils nous écoutent, ils le savent, ils leur ont fait des culs beaucoup plus bombés. Ah ouais? Bah parce que le caractéristique physique logique, dans les îles, c'est d'avoir les fesses plus bombées que. Et en Angleterre, ils les ont fait moches alors, les moches, très moches. Ils ont décidé de couper la tête en Angleterre. Avec des oreilles décollées. Et ben c'est ça, c'est être attiré par des statues ou des mannequins. C'est chelou. C'est bizarre. Le mec est excité par la statue de la liberté, il est bien monté. Le mec, il est là, il a rien, il fait toi, je te vois. Ah, c'est nul. Je vais t'avoir. Dans un instant, il y aura Sébastien. Tu bouges pas, Sébastien. Ouais. Il paraît qu'il y a un gros débat dans ton collège. Ouais, c'est ça. Gros débat. D'accord. On en parle dans un instant. Vous voulez savoir ce que c'est le débat? Vous restez après 21 Pilots, je vous le dis. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. J'ai vu, il fait des concerts, il est en tournée. Ouais. Donc je me doute qu'il a pas qu'une chanson. Bon, moi je vous ai fait J'ai cherché, je vais vous refaire J'ai cherché, vous êtes d'accord? Il sera notre invité Amir, je l'aime beaucoup, il est adorable. Avec notre président que je salue, hein, François Hollande, qui écoute cette émission régulièrement pour se détendre le soir. Oui. François, président des Français, a déclaré cette phrase. Il était à New York. Il a dit, écoutez bien, ouvrez les guillemets, le conflit syrien. Et ça suffit. Oh. Fermez les guillemets. Attends, quelle autorité. Putain. Ah, le mec. Bah, il impose. Ah, attention. Attends, hein. Nous, notre président, il rigole pas. La guerre, c'est pas bien. Attention, hein, s'il l'avait laissé parler 3 minutes de plus, il aurait dit jeu de main, jeu de vilain. Alors, nous, on a un président. On en était pas loin. Sur la scène mondiale, les mecs, ils ont dû le regarder. La Poutine a dû le regarder. Elle dit, La Poutine. Impressionnant. Hein. Ah, ouais, mais... Ouais, vous avez quelque chose à dire, monsieur Poutine? Oui, pas mieux, pas mieux. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Attention, le débat de Sébastien, 15 ans. Ça va, Sébastien? Ouais. Un prénom de champion. Je te présente Julie. Bonsoir Sébastien. Voilà, je Salut. Te présente Pietre. Salut. Je te présente Guéguette. Bonsoir. Je te présente moi. Je te présente. T'as eu qui au standard? Stouff. Ah, Stouff. Je te présente Stouff. Elle est bonasse aujourd'hui avec ses cheveux. Ouais, on se demande si elle a pas un rendez-vous après. Ah ouais? Ouais. Elle a travaillé les cheveux là. Ouais. On parlera ce soir, petite coquine. T'es bien comme ça. Mika. Et les autres, et où lui? Et où? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Le mec, tu lui parles, attends. Ouais. Ça va? Ouais, bah ça va, cherche pas de compte. Ouais, on est là et tout cela. Bon, allez, on y va, mon pote. Demain, on y va. Sébastien, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un débat. Est-ce que c'est grave déjà? Attends, j'ai le maïs sous les yeux. Je m'appelle Sébastien, j'ai un problème. Ah non, c'est une affaire de ouf, les gars. Écoutez-moi bien. C'est hyper important. Quand je dis un débat, il y a un débat. Il y a un débat au collège, deux points, sur les desserts. Ah. Moi, je pense qu'une danette, c'est une crème dessert. Ouais. Et les autres pensent. Que c'est un yaourt. Ah ouais. Voilà, on peut pas parler de on ça peut ici. Pas aller jusque là. Et là il nous dit, ouais, je sais que c'est trash. On n'est pas qualifié là. J'espère que le CSA n'est pas branché à ce moment-là parce que c'est un peu violent. Là, c'est chaud. C'est trop hard, les gars. Et là il nous dit Sébastien à la fin, alors que logiquement un yaourt c'est un Danone sucré. Alors attends, je suis en train de réfléchir. On va reprendre. Sébastien, d'abord. Explique-nous déjà, oui. Où est né ce débat? Au dessert. Bah oui, au CSA. Bien sûr. À l'ONU, ils en ont débattu aussi beaucoup. Bah oui. Il y a François Hollande qui dit je sais pas. Mais c'est bon les deux. J'en prends deux à chaque fois. Avec des petits gâteaux. Bon. Qui a dit que la danette c'est une crème dessert? Bah moi. Bah la danette c'est une crème dessert. Ouais, c'est une crème dessert, je suis d'accord avec c'est toi. C'est pas un yaourt. Et qui a dit c'est un yaourt? Bah il y a Adrien. Ah, Adrien, ouais, mais c'est un rebelle, Adrien. Dissident. Il est en ligne, je crois, Adrien. Oh, ah, attendez, les gars, le débat se fait à l'antenne. Ah, attendez, c'est. J'avoue absolument un droit de réponse. Oui. Adrien. Oui. Ça va, Adrien? Oui, oui, et toi? Toi, tu es du côté de ceux qui disent que la danette, danette c'est un yaourt. C'est un yaourt. Tu vas avoir des problèmes. Un yaourt. D'accord. Bah, alors, pourquoi tu dis que c'est un yaourt? Explique. Eh oui. Bah, parce que yaourt, c'est un pot de yaourt avec quelque chose dedans et ça se mange. D'accord. Et toi, Sébastien, tu dis quoi? Bah, un yaourt, bah, c'est pas considéré comme un dessert. Un yaourt, c'est pas considéré c'est comme un dessert. Pas une entrée non plus. C'est assez rare les gens qui disent tiens, je peux me prendre un yaourt en entrée, moi. Non, mais c'est un vrai produit laitier, le yaourt. Que... Oh, je sais pas, je voudrais pas me lancer dans des trucs. Fais attention. Hein. Attention, ah, oui, on peut pas avoir un spécialiste. Ou un dérapage et c'est... et c'est mal parti. Alors, on pose la question au public. Ouais. Ceux qui pensent dans le public que la danette, tout le monde voit ce que c'est, la danette au caramel, ouais. La danette c'est pense que c'est un yaourt, levez la main. Trois personnes, ok. Ceux qui pensent que c'est une crème dessert, levez la main. Allez. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. La majorité de crème dessert. C'est dans le studio. Vachement, non, mais la danette, c'est quand même vachement plus chimique. Il y a vachement plus. Il y a très peu de lait. Attendez, on peut considérer le yaourt comme un produit laitier. La danette, non. La danette, c'est fait à base de pétrole. Qu'est-ce qui différencie un yaourt d'une crème dessert? C'est ouais, pour moi, j'ai... la crème dessert, c'est plus lactée. C'est plus sucré. Plus crème. Le yaourt, ouais, il n'est pas sucré. Le yaourt, il n'est pas sucré. À la base. Juste attends. Avant de donner ta réponse, Adrien, continue. Donc pour toi, c'est un yaourt. Et les crèmes dessert, c'est genre les crèmes Mont Blanc, les. Ouais. Ah, parce que toi, tu mets une énorme différence entre la crème Mont Blanc et la danette. La danette, c'est en pot. Et alors? Et donc, le yaourt, c'est dans quoi? C'est dans un sachet? Bah oui, c'est en pot. Non, c'est en pot. Mais on dit un pot de yaourt, on dit pas un pot de crème dessert. Bah si. Bah non. Il y a écrit quoi? Parce qu'on a ramené des danettes à Coé. Merci. Alors, je suis au régime. Il y a écrit pas toi. Il y a écrit quoi sur la danette? Touche pas ça. J'ai écrit touche pas à ça, petit gros. Vous avez regardé, vous, les garçons? Adrien. Oui. Est-ce que tu as pensé à lire l'étiquette avant de te rentrer dans le débat? Non. Alors, plutôt que de la bouffer, tu ferais mieux de la lire. Puisqu'il y a écrit sur l'étiquette crème dessert au chocolat. Ouais. Ah. Ça n'a rien à voir avec un yaourt. Pour moi, un yaourt, c'est pas ça. Pour moi, un yaourt, c'est un produit laitier. C'est du pur lait. Produit qui est, c'est du lait fermenté. Fermenté. À la limite, yaourt. Aux fruits, ouais. Yaourt saveur vanille. Genre les petits suisses là, aux fruits. Bah c'est un petit suisse. Ouais. Bah non mais c'est vrai, un petit suisse c'est pas un yaourt. Oui. Un petit suisse, c'est pour ça qu'ils ont mis des noms. Ouais. Si t'appelles tout yaourt, tu prends un fromage, je prends un yaourt président. Mais après, maintenant c'est-à-dire qu'ils font des yaourts et des petits suisses qui se rapprochent plus de la crème dessert que du petit suisse original tel que tu le connais. Un yopa, moi par exemple. Genre les brassés. Moi j'achète des yopas. Un yopa c'est un yaourt. Et les brassés. Un brassé, c'est un yaourt. C'est un yaourt aussi. Ouais, mais c'est la même consistance qu'une danette. Parce qu'il est plus fouetté, peut-être. Mais c'est un yaourt. Mais la crème dessert, il rajoute de la crème anglaise, de la farine, des œufs et de la farine de maïs, du sucre. Voilà. En gros, et du pétrole. Ouais. En gros, tu manges deux yaourts, ça va. Tu manges deux danettes à la fin du repas. Tu peux potentiellement plus choper un gros cul qu'en mangeant deux yaourts. Il a raison. Ouais, moi, je mange deux danettes des fois. Mais ça se voit. Tu comprends maintenant que c'est pas un yaourt. Après, mais je veux pas trop non plus me prononcer parce que je suis pas du genre à mouiller. Sujet sérieux comme ça. Bon. Ouais, je voyais des sujets trop rares. Moi non plus, je suis pas habilité. Puis on va avoir ensuite, il va y avoir des communautés. Il y a la communauté du yaourt. Qui va dire ouais vous êtes yaourt ou vous êtes yaourt trop fort. Moi j'ai pas envie d'aller là-dedans. Hein, Je suis un gueudin, je m'en fous. Bah, tu sais quoi, la danette c'est pas un yaourt. Moi je vais encore me détaper des hashtags no danette suprématie. Mais Adrien, du coup, qu'est-ce qui te fait dire que c'est un yaourt? C'est parce que tes parents tout petits te servaient des danettes et te disaient que c'était un yaourt, non? Bah ouais, mais enfin c'est dans ma famille, ils disent c'est un yaourt. Ils t'ont menti. Alors, ils sont comment au niveau du cul dans ta famille? Tu mets pour savoir, tu mets quelle taille en jean? Du 38 américain? Je sais pas. Ah, tu pèses combien? 60 kilos. Ah, ça, ça va. Ça va. Mais c'est du muscle. Oui, évidemment. Monsieur. J'ai dit ça longtemps, moi. Bon, Adrien, alors je suis désolé, mon pote, mais c'est Sébastien qui gagne le combat. Ouais. Au collège, vous pouvez arrêter de l'histoire. Donc, ça, bien, d'une fois pour toutes, c'est bien une crème dessert. Et pas un yaourt. J'imagine le collège en train de faire des bandes et tout. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Mais si vous avez d'autres sujets importants comme ça et tout, n'hésitez pas. Ah, ouais, bien sûr. On se documente un petit peu. On passe le truc. Est-ce qu'une banane, c'est plus con qu'une poire? N'hésitez pas. Nous, on fait le débat longtemps. Ça, il n'y a pas de souci, on peut le tenir. On lance la semaine prochaine. Non mais on le fait, il n'y a pas de souci. À bientôt. bientôt. Salut. Ah non, mais faut faire des trucs comme ça. Lancez-nous des débats qu'on pourrait faire. Ouais. Est-ce que la basket blanche est plus salissante que la basket noire? Est-ce que les trucs. Allez-y. Sur les cahiers, vous êtes plutôt petit ou gros carreau? Bien sûr. Est-ce qu'une basket blanche a le droit de se déguiser en basket noire? Je suis en train de réfléchir d'ailleurs. Effectivement, la basket noire est plus salissante que la basket blanche. Bah non. Bah si. Bah voilà. Je pensais lancer une connerie et là, c'est rattrapé au vol. Bah si, parce que quand tu marches par terre dehors, c'est blanc. Et du coup, si tu marches sur la basket noire, c'est en cuir noir, je parle. Ça s'enlève tout de suite. Que la basket blanche, ça marque direct. Moi, ce matin, j'ai acheté des. Vous avez vu, je vous dis un truc, j'ai acheté des baskets blanches. Je les ai mises et j'ai pas osé. Mais je me suis dit, je vais les salir. Moi, je vais les mettre quand tu fais bon. Hein ? T'as des blanches là ? Ouais, mais elles étaient blanches, neuves. Ah. Tu sais, la neuve, que tu la déballes, elle te. Waouh, trop blanche. Et tu la mets, la moindre poussière, ou le mec qui te marche dessus, t'as envie de le tuer. Mais c'est bien un peu vintage, un peu sali. Non. Lui, avec des guettes, c'est des psychopathes. Moi, j'ai vu un mec la dernière fois qui avait les mêmes que moi, là. C'est quoi, c'est mes pompes ? C'est des superstars. C'est des superstars. Il avait des superstars, mais genre de combat. Tu vois, le mec, il a passé des journées avec ses superstars. Dégueulasse, blanche à la base, mais tu voyais plus la couleur. Chaussures de charclos, quoi. Et tu voyais ses pompes, et le mec, j'ai un pote qui dit, t'as vu, elles sont bien, elles sont abîmées. Mais c'est pas possible, elles sont pas abîmées, elles sont dégueulasses. Non, les superstars, faut qu'elles restent neuves. Après, il y a des chaussures, genre, comme les Converse, faut que ça soit crade. Mais les Stan Smith aussi, faut que ce soit crade. Non. Moi j'ai Stan Smith quand elle devient crade, next. Ah mais non. Ah non. Mais ça se porte crade. Ah non. Ça fait charclos. Mais si. Ah moi, faut que ce soit propre. Une basket blanche, elle doit rester blanche. Ah non. On en parle la semaine prochaine, les gars. C'est un débat. Je te fais un bisou, Sébastien, je t'embrasse. Salut. À bientôt, mon gars. Gros représente les yaourts. Bra, Danone. Allez. Bon, qui veut de la danette? On a ramené deux de la cantine. Ah, moi je veux bien. Voici Zao sur l'énergie. Je suis régime sans pétrole, je suis pas Zao. Allez, il y a de la danette, mangez-les, quoi. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Si tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'enjaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Désiré Cordero. Non. Je vous parle de Désiré Cordero dans un instant. Et est-ce que vous vous connaissez Daniel? Ah bah oui. Daniel, qui va être relié à Gendarmerie. La plus jeune main, ça peut vous dire maintenant avec eux. Ah bah oui. Daniel, on a toutes les phrases dans la machine. À Paris? Oui, on est à Paris, monsieur. Non. Si, si. Non. Ah si, si. Non. Si, Daniel, si, si. On est à Paris. À Paris. À Paris, Daniel. Restez avec nous dans un instant, Daniel Frachier, le 118-218.

êtes en pleine forme. Moi, ça va super bien. N'oubliez pas que tout à l'heure, on va vous. Ah, vous avez encore les moyens de vous inscrire. Sur ah bah le, oui, pendant 5 semaines. Hein. Redonnez-moi le nom pour faire vos box. C'est boxallinclusive.com. Boxallinclusive.com. Vous y allez de notre part et vous allez, grâce à la Société Générale, remplir vos box de rêve. Vous mettez ce que vous voulez dedans, vous cochez. Il y a jusqu'à 16 000 euros de dotation. Et il y a une vidéo qui a été faite où Mika amène directement les cadeaux aux gagnants. Ouais. Vous allez voir la vidéo, on vous la fait tourner sur notre Facebook. Ouais. Allez la voir semaine prochaine, c'est peut-être vous. Inscrivez-vous, boxallinclusive.com. .com ou .fr. .com. Bon, Daniel, ça va être. On fait Daniel ou on fait le check le bahut pour démarrer? On fait Daniel. Ah, ne check bouge le pas. Bahut, Jonathan, ça sera après. Jonathan, tu bouges pas, Jonathan de 3. T'inquiète pas. Je suis là. Présente, forme, je bouge pas. On va s'occuper, on va checker ton bahut dans un instant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chrétien de 3. Bah oui. Chrétien de 3. Chrétien de 3, d'accord. Et non pas Crétin de 3. Non, Chrétien de 3. D'accord. C'est tout. C'était nul. Oui, il y a trois dans tous les trucs. Hein. Lui, c'est plan 3, il y a tout. Ne parle pas, ne bouge pas, Jonathan. On s'en occupe. Juste Désiré Cordero. Je vous disais qui c'était. Désiré Cordero, c'est la nouvelle copine de Cristiano Ronaldo. C'est une espèce de bombe atomique avec des fesses qui n'existent pas dans la vraie vie à part des filtres Snapchat. Ouais. Mais et Désiré Cordero, donc elle est avec. Elle est canon. Hein. Elle a 22 ans. Elle a été élue Miss Espagne 2014. Oui, d'accord. Mais lui, il enchaîne les conquêtes. On se dit la vérité ou pas? Ronaldo, c'est celui qui a été chopé en train d'embrasser un mec. Oui. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas. Ouais. Il est tête bille. Hein. Bah, elle a déclaré je l'adore, et lui, il a déclaré ouais, moins que son frère. Excusez-moi, Ronaldo, là, il se rachète une. Ah, bah là, il vient de ça, c'est rien. Ça, c'est vitrine. Genre, j'aime les femmes. Oh, ouais. Vous avez vu, j'aime les femmes. Ma nouvelle copine, j'aime les femmes. Mais je te touche pas quand même. Mais vous étiez pas en train d'embrasser un mec? Non, j'aime les femmes. Bon, Daniel, pour l'instant, on y va. Monsieur. Ouais, Daniel, on y va. 218-218, on en appelle un et on essaie de voir combien de temps il tient avec Daniel. Attention, on coupe le micro pour vous entendre. T'as tous les sons de Daniel. Bienvenue au 118-712. Pour nos tarifs, tapez 1. Un conseiller va vous répondre. On peut parler, ils nous entendent pas. Génial. Bravo la technique. 118-218. Bonjour, quelle est votre demande? Eh, hey, monsieur. D'accroche. Monsieur, madame, m'entendez-vous? Hein? Quelle est votre demande, s'il vous plaît? Donne ton nom, j'ai une grand-mère, même ma son nom, un papier. Monsieur, madame, m'entendez-vous? Hein? Mmh. Quelle est votre demande, s'il vous plaît? Sébastien, Chloé. Je n'arrive pas à vous comprendre. Comment? Je n'arrive pas à vous comprendre. Hein? J'ai pas un jeune mari, vous. Quelle est votre demande, s'il vous plaît? Il perd patience, hein. Il s'énerve. Non, mais j'ai ton pas de numéro. Monsieur, je vous invite à nous recontacter avec un complément d'information ou bien avec une demande. Merci pour votre appel. Monsieur, vous allez avoir des problèmes. Il a raccroché, quoi. Il a osé. Il est bien monté. Allez, on s'en refait un dernier. Ah oui, 118-712. Bienvenue au 118-712. Pour nos tarifs, tapez 1. Un conseiller va vous répondre. On commence par lui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Attention. Bonjour. Eh, monsieur. Allô? C'est comment votre nom? Bah, je sais pas comment vous... Je m'appelle Orange. Je m'appelle Orange. Je suis les renseignements d'Orange. Ah, je connais pas. Mais vous vouliez quoi? Sébastien Chloé. Comment? Sébastien Chloé. C'est vrai qu'elle est bourrée aussi, non? Vous voulez son numéro de téléphone? Comment? Oui. Vous voulez un numéro de téléphone? Non. Ah bon? Bah alors, je sais pas, au revoir. Hein? Elle a raccroché. Elle a raccroché, c'était bien quand même. Elle est bien, nickel. Petit dernier. C'est comme les chocolats, hein. Ouais. D'accord, après on arrête. Hey, monsieur! Un numéro? Non. Bienvenue au 118-712. Pour nos tarifs, si ça pour vous faire plaisir. Un conseiller va vous répondre. Attention, je prépare le hey, monsieur. J'ai le bouton de doigt dessus. 118-712, bonjour, qu'est-ce que je fais? Hey, monsieur! Bonjour, c'est madame. C'est comment votre nom? Pardon? C'est comment votre nom? Comment? C'est comment votre nom? C'est comment mon nom? Hein? Quelle est votre demande, monsieur? J'ai qui à l'appareil? Alors, c'est le 118-712. Ou pas? Hein? Oui, c'est le 118-712, monsieur. C'est le renseignement téléphonique. Comment? C'est les renseignements téléphoniques, monsieur. Arrêtez les conneries, bon. C'est énorme. Hein? C'est les renseignements téléphoniques, monsieur. Ah, je connais pas. Tu vas avoir des problèmes, j'en ai marre encore. Quelle est votre demande, monsieur? Tu vas déjà avoir des promesses, j'en ai marre encore. Monsieur, vous avez une demande sérieuse à communiquer? Sébastien Chloé. Pardon? Sébastien Chloé. C'est un particulier? À Paris. C'est quoi exactement votre demande, monsieur? Sébastien Chloé. C'est un particulier? Non. Le nom, il est bien aussi. Ouais. C'est quoi exactement, monsieur? Oh, fais chier, j'ai pas le son. Sébastien et Chloé. Sébastien et Chloé? Et Chloé. Ah, on n'a pas de oui. Et c'est qui? Quelle est la ville, s'il vous plaît? À Paris. Quel arrondissement à Paris? Oh, bah, je n'ai pas celui-là. Paris. Tiens. Allez, va te faire foutre. Elle a raccroché? Elle est là? Ah, elle est là. Elle est encore là. Monsieur, vous allez avoir des problèmes. Elle parle plus du coup. Vous voulez que je vous passe un responsable? Non. Quelle est votre demande alors? Hein? Quelle est votre demande, monsieur? Allez, dégage. Allez, tout court. Parfait, excellent journée. À bientôt. J'aime pas qu'on mène les gens comme ça au soir. Je porte pas contre vous. Vous attendez du monde ce soir? Dans un bol, hein? Il faut se préparer si vous allez recevoir du monde. Ouais. Bah oui. Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Oui, le numéro de téléphone de qui? Hein? J'ai qui à l'appareil? Monsieur, vous avez bien appelé les renseignements téléphoniques? Non. Ah, d'accord. Donc là, il s'agit d'une erreur. Excellente journée, à bientôt. Ouais. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir. Elle a tous les trucs qui ont passé quoi? Ah, ils étaient très bien. Daniel, donc on a la machine, on essaie de le faire en live. Hein. On fait ce qu'on peut, mais c'est un vrai kiff. J'espère que tout va bien. On vous mettra la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on écoute là maintenant? Nicky Jam. Ah, ben elle m'avait mis MHD. Elle savait bien que c'était pas MHD. Il sera notre invité dans quelques jours. Nicky Jam viendra bientôt aussi. Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé. Quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Hasta el amanecer. Como tú. Saga White Black, La Industria Inc. Koé est premier à la radio, premier sur les réseaux sociaux, premier sur YouTube et premier à la cantine. Ah non, c'est vrai, oui, il fait régime. Ah, c'est pas bon pour le classement, ça. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. La petite annonce de merde, ce sera là tout à l'heure. On aura le check ton bahut dans deux secondes. L'invité qui sera là tout à l'heure, c'est qui, Julie ? Amir. Et si vous êtes fan d'Amir, hashtag Amir chez Koé sur Énergie, vous nous le mettez en tété. Vous vous débrouillez, faut que ça soit en tété. On fait que des tétés tout le temps, faut que vous... Là, on va voir si vous êtes fans, les fans d'Amir. Hashtag Amir chez Koé sur Énergie, pareil, hashtag Koé, saison 7 sur Twitter. Merci d'être 2 300 000, plus 2 301 000. Oui. Ah, me suivez sur mon Twitter, suivez-moi sur Instagram aussi, si vous voulez avoir plus de conneries et tout, c'est Koé officiel. Et sur Snap, c'est Koé off. Vous allez mettre C-A-U-E-T-E-O-2-F, voilà. C'est oui, important. C'est le public, pareil, hein, pendant l'émission. Qui me suit sur Twitter ? Premier rang, donc, non ? Premier rang, vous allez reculer là. Là. Qui me suit sur Insta ? Ok. Merci, mademoiselle. C'est bien, tu t'es rattrapée. C'est oui, c'est ça. Sur Snap, Koé off. Ok. Tu peux m'amener le micro vers la blonde, troisième personne ? Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne me suis sur rien ? Parce qu'elle est fan d'Amir. Bah, parce que je le fais pas. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi ? C'est comme quand tu vas à l'école, où pourquoi t'as pas fait ton devoir ? Pas parce que je l'ai pas fait. Ça n'est pas une excuse. Pourquoi tu ne suis sur rien ? Aucun des trois. Fais un effort. Bah, je le ferai ce soir. Participe. Sur quoi ? T'es venu voir Amir, en fait, c'est ça ? Voilà. Ouais, tu t'en fous, mais t'en as rien à foutre de nous, c'est ça. Hein. Tu t'en fous. Hein. Oh, quand même pas. Ah, bah ça va, je pourrais être Julien Lepert. T'en comme un rattrape. Hein, c'est ça. Hein. Hein, c'est ça, tu t'en moques, tu t'es mise au premier rang parce que t'es jolie. Tu mériterais qu'on te mette derrière. Bah non, tu es fan d'Amir. Bah justement, oui, et bah justement, elle est fan que d'Amir. Oh, et ça le jaloux. T'es jaloux, en fait. Il est jaloux. Complètement. Il est bien plus beau, Amir. Quoi ? Je dis la vérité. Ouais, c'est vrai. Quoi que sur la photo, vous m'avez pris une photo sortie de prison, il y a du soleil dans les yeux quand même. Hein. Mais non, sur la avec photo, la barbe, ça fait un peu ouais, sortie de prison, c'est ça. Ouais. Photo, sur la photo, t'es presque mieux en fait. Ah, merci. Tu le trouves beau, Amir ? Bah oui. Tu trouves qu'il chante bien ? Oui. Ah oui. Tu sais qu'il est maqué. Hein. Tu sais qu'il est marié, indécrottable et tout, machin. Ouais. Et tu veux quand même tenter de te mettre au premier rang pour essayer, genre en mode on sait jamais. Bah non, pas du tout. Imagine, quel âge tu as ? 23 ans. Il te propose, il se retourne, il te voit, il fait hey, yeah. À la fin, il te dit je vais la pécho. On va boire un verre tous les deux. Bah non. Quoi ? On le rappelle direct. Quoi ? Elle est peut-être avec quelqu'un aussi. T'es avec quelqu'un ? Non. Bah alors ? Et l'un n'empêche pas l'autre. Et si tu le propose, tu dis non ? Bah non, il est marié. Et boire un verre. Mais boire un verre, ça peut être entre potes. Oui, bah oui, comme ça. Ah. Et s'il te propose devant un caméscope de. Non, ça non, il ne se fera pas. Jonathan ! Ça va, Jonathan ? Ça va, Jonathan ? Oh ! Jonathan ! J'entends pas, en fait, je les entends pas. Ah, parce que t'as oublié de reconnecter la machine ? Et moi, pendant ce temps-là, j'entends Jonathan. Bravo, jeune homme. Tu m'entends maintenant ? Ah, ça y est, je t'entends. Bah oui, excuse-moi, et moi qui t'engueule alors que tu y es pour rien. Le lycée s'appelle Chrétien de Troyes. Tout à fait. Oh ! Mais Chrétien, c'est un nom, c'est pas les chrétiens comme les chrétiens. Non, c'est un nom. Ah, c'était Monsieur Chrétien de Troyes. D'accord. Non, bah oui, si, ça doit être ça doit être un nom, ça. Ça, ça sent le chevalier, ça. Guéguette. Ça sent le gars qui a fait des croisades, Chrétien de Troyes. Je le sens bien à l'époque de Isabeau, de Jean Bon de Bavière, avec Perceval et tout. Ah, c'est ça, Perceval, un poète. C'est vrai ? Ah, oh là. Ah. Ouais, c'est pas ça, un chevalier alors, c'est un poète. Non, il était parti faire les. Croisades. Ouais, les magasins d'usine à Troyes. Attends, Guéguette, c'est difficile que le mec ait fait les croisades, il a ouvert des magasins d'usine en même temps. Ça doit être sa famille. Rigole, il est super vieux. Je rigole, ouais, il a vécu en 1130. Ouais, c'est ça, c'est les croisades. Un canon pareil. Tous les mecs s'appelaient Chrétien de machin. Avec les... ouais. On y va, nous allons appeler ton. Comment est ton lycée ? Est-ce qu'il se porte bien ? Est-ce que c'est cool ? Bah ouais, ça va. Alors, je tiens quand même à vous dire que vous n'êtes pas le haut du panier, un Chrétien de Troyes. Ah ouais ? Pourquoi ? Vous êtes 1800e au niveau national sur 2200. Oh. Oui, c'est pas terrible. Hein. Ah, c'est bien joli de partir en croisade, mais il faut réviser aussi. Ouais, il faut revenir. Classement départemental, 7 sur 10. Ah, pas mal ça. Bah non, pas du tout. Ah oui, non, j'étais sur la note. Oui, non, oui, c'est pas ouf. Il faudrait qu'un jour, je m'adresse à tous les élèves de lycée pour le check ton bahut. À partir de maintenant, on va essayer de. Parce qu'on a eu beaucoup de moyens. Ouais. Je voudrais que maintenant, on va se jouer les meilleurs. Et je voudrais que vous ayez le dernier des derniers de chaque département qui nous appelle. Ah, par exemple, à 3, j'aimerais bien avoir le 10e. Tu vois, ou le lycée sur 2277, qui est le 2277e. Les mecs, ils sont fiers d'être derniers. Si vous vous reconnaissez, contactez-nous koé@energie.com. Bon, tout va bien dans le lycée, t'as des demandes à faire ou pas? Non, pas particulièrement. Ils sont sympas? Oui, ça va. Oh bah oui, visiblement, ils sont plus sympas que travailleurs. Tu penses qu'ils peuvent avoir le label Koé? Je sais pas. C'est possible. Le label Koé, c'est en 5 questions. Ouais. On y va, c'est parti. Je dis pas que tu nous as appelé, hein, bien sûr, Jonathan. Tu gardes l'anonymat. Hein. Tu tiens. Bah oui, bien sûr, évidemment. Merci. Voilà, j'ai posé quelques questions, là, celle-là, dont la question du rabat à la cantine, qui est quand même très importante. Ah bah celle-là, oui. Voilà. Ah oui. La musique. Lycée Chrétien de Troyes, bonjour. Bonjour, le lycée Chrétien de Troyes, c'est Koé à l'appareil, nous sommes sur Énergie, comment allez-vous? Ça va. Sopolé. Généralement, quand je dis c'est Koé, oh, ça suscite une petite joie, là j'ai pas l'impression. La surprise plutôt. Si, si, la surprise, ça y est, ouais. Ça y est, la joie arrive, là vous êtes submergé, le raz-de-marée arrive. Vous allez bien, je vous dérange? Oui, je suis au travail. Moi aussi. Alors, je vais donc vous poser. Nous allons, vous savez que nous sommes chargés par le ministère de l'Éducation nationale de trouver le label qualité Koé dans les lycées. C'est nouveau. C'est nouveau. Et donc, j'ai quelques questions extrêmement simples sur votre lycée. C'est quoi votre prénom ? Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, est-ce que vous avez une page Facebook du lycée ? Non. Pas bien. Minitel, peut-être, non? Non. Non plus. Bon. Est-ce que les élèves ont le droit de garder leur téléphone en cours? Non. Ah, c'est sévère. Ça n'a pas l'air facile, Nathalie. Est-ce que vous payez pour ne pas... Est-ce qu'on peut vous payer pour ne pas faire les heures de colle? Genre, j'ai 2 heures de colle, mais hop, ouais. Je vous donne un petit bifton de 20 € et je ne les fais pas. Non. Ah, c'est dommage. Ah. Il faudrait l'instaurer, ça. Est-ce que vous avez des tableaux à Cré ou à Véleda? Les deux. Ouais, on va leur mettre un point quand même, ça serait bien. Je mets un point. Pour l'instant, je mets un point pour l'encre. Est-ce qu'il y a du rab à la cantine? Attention, cette question compte double. Alors là, j'en sais rien, moi je mange pas à la cantine. Ah, vous êtes pas folle. Et pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'il y a à manger. Ouais. Elle sait ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. On voit bien qu'il y a des chats qui disparaissent dans le quartier. Non, vous savez pas s'il y a du rab à la cantine? Non. Bon. Dernière question. Ça a pas l'air foufou ce lycée. Est-ce qu'on peut lire son âge sous les verres de la cantine? Oui, ça c'est important. Ouais, c'est vrai. Vous savez, celui qui a le numéro le plus petit va chercher de l'eau. Je ne sais pas du tout. Ah oui, vous n'allez pas à la cantine? Ah non, forcément. Bon, bah, je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas la moyenne. Hein. Ah non, pas du tout là. C'est le pire des lycées qu'on ait eu au téléphone. C'est le pire. Hein. C'est la plus mauvaise note. Hein. Oh là là. Un mot, une déclaration? Non, rien. Ah ouais. Pas comme ça que vous allez remonter. Hein. Non, ça manque de motivation tout ça. Hein. Moi, mon bac, je l'ai déjà. C'est pour vous que je fais ça. Ah, ouais, parce que nous, on est sortis des études, madame. Ah. Nous, c'est pour que les élèves soient heureux qu'on fait ça, vous voyez. Bon, on vous fait un bisou, Nathalie. D'accord. En fait, vous étiez en train de faire la sieste. Elle est pas très chouette, Nathalie. On vous a gaulé, c'est le soir, vous avez dit je veux pas décrocher le téléphone, et hop, vous l'avez décroché quand même. Bon, je vous fais un bisou. C'est parce que j'étais surprise. Je fais souvent cet effet. Et quand j'irai à 3, on ira boire un petit verre ensemble. D'accord. Et ça m'étonnerait. Et pourquoi donc? Parce que je suis pas toute seule. Et alors? Ça n'empêche pas. Ça prend le débat de tout à l'heure. Ça n'empêche pas, on peut quand même aller boire un verre ensemble. Entre amis. Enfin. Boire un verre, c'est pas tromper. Mais bien sûr. Oui. Et vous avez un chéri depuis longtemps? Oui. Ah. Bah justement, allez prendre l'air. Elle est toute timide. C'est pas parce qu'on va dans un bain bricolage qu'on a envie de changer sa perceuse. Réfléchis, je te laisse y réfléchir, Nathalie. Et je viendrai avec des sujets de conversation, je te promets. Il va en falloir. On vous fait un gros bisou. Merci, au revoir. Au revoir, Nathalie, à bientôt. Oh là là. À la fin, t'as vu, elle n'a plus de batterie. Jonathan, change de bahut. Ouais, ah ouais, il est temps. Salut, Jonathan, je t'embrasse, mon poteau. À bientôt. À bientôt, si tu changes pas de bahut, tu finiras dans la rue. Eh oui, comme Claudio Capéo, on y va. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Mais si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors.

step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Morceau de Feder. Ah, j'adore. Français, monsieur, dame. Du sud de la France. C'est pas un gars qui vous fera la bite qui fume, mais c'est un mec bien. On n'en sait rien. Allez, bah, non, vraiment, pas non. Le genre. Non, vraiment pas. Voici Feder. Les sept merveilles du monde, le septième art, le septième ciel, mais le plus important, c'est la septième saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. Energy.com, venez et allez encore voir la vidéo de Maître Gims en train de faire de la Ferrari Mini dans le couloir. Elle est mythique cette vidéo. Hein. Moi j'ai jamais vu Maître Gims faire ça, je vous le dis. Hein. Ah non. J'ai vu des trucs, mais ça je l'ai jamais vu. Faites la tournée entre vous, retweetez-la entre vous, c'est une tuerie, il est trop bon. Dans quelques jours, MHD. J'adore ça. Ah, c'est vrai, c'est bien. Hein. Il y aura Alan Walker qui va passer. Énorme. Ça va être bien. Est-ce que vous croyez qu'elle va venir sans maquillage, en mode sobre ou avec des chapeaux, des machins? Non, je crois qu'elle est plus du tout dans le trip je me déguise et tout ça. Ouais, elle est devenue normale. Et en crocs. Elle va se chier, elle va dire non, tellement banal, tu vas pas la reconnaître. Ouais. Ah, pousse-toi, reçois, attends, Lady Gaga, ça va. Bon, Océane. Oui. T'es là, ma petite chérie? Oui. Tu t'es fait plaquer? Oui. Pff, voilà. Ah, pourquoi? C'est moche. Ah ouais, c'est triste. L'ex de mon, de mon ex, du coup. Ah ouais. Genre, elle a tout fait pour que mon copain, mon ex. Bah, elle a fait son rôle d'ex, quoi. Elle a fait son rôle d'ex, la salope. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'ensuite vous vous méfiez des ex. Mais attends, elle l'aimait encore? Bah, apparemment, oui. Et sa cousine, elle m'a traité. Et après, ils ont fait les clans. Et du coup, enfin. Déjà, quand je sortais avec, c'est parti un peu en cacahuète. En gros, la copine, l'ex, s'est mise à prendre du monde avec elle pour le récupérer. Elle a réussi? Oui. Ils sont ensemble maintenant? Non, en fait, elle sortait déjà avec un garçon et elle a tout fait pour que je le quitte. Elle voulait juste que toi, tu sois plus là, quoi. Une Julie, quoi. Ouais. Julie, elle est encore jalouse de ses ex. Ah non. Si, tu nous as dit la fois, ça me gênerait qu'une de mes copines sorte avec un ex. Ah, une de mes copines, oui. Bah, qu'est-ce que ça peut te foutre, c'est un ex? Ouais, mais non, j'ai pas envie qu'elle passe derrière moi. Et qu'est-ce que t'en as à faire? T'es en couple avec ton mari? Oui, je sais, mais non. Qu'est-ce que t'en as à faire? Il va sortir des trucs à chaque fois. Non, oui, ça me gênerait. On partage pas ses ex. Prenons la demoiselle qui vient de l'université Dauphine d'alcoolique qui boit dans les parcs. Mademoiselle. Oui. Ton ex, t'es un chéri en ce moment? Oui. Donc t'as un ex? Oui. T'as toujours un ex? J'en ai plusieurs. Coquine. Université Dauphine, université de la coquine. Ah. Et puis à Guéguette, je ne vois que ta tête. Merci mon Guéguette. Ton ex sort avec une fille qui est une copine à toi. Bah, ça te gêne arrivé. Ou pas? Ah, et alors? J'ai pas aimé. Ah bon, sérieux? Ah, tu vois? Mais c'est ouf. Moi, c'est pas respectueux parce que elle avait. Enfin, en gros, elle assumait pas. Parce que ça se fait pas. Mais alors moi c'est marrant, j'ai un copain, il a vécu la même chose que toi. J'ai un copain qui est divorcé de sa nana et tout, mais genre il y a longtemps. Et il s'est rendu compte que son copain associé l'a dragué et était sorti avec. Et il en a fait toute une histoire. Ah bah je comprends. Et bah moi je m'en cogne, mais alors moi une ex... Mais c'est qu'elle comme sorte si, avec une équipe de si... foot, avec un copain ou un mec de ma famille. C'est comme si ton ex-femme sortait avec Pietre, ça serait pas chier? Je vais pas. Hein. Pour lui, si. Ah non, les gars. Mais moi, non. Mais non, parce que. Ça t'embêterait pas qu'un de tes proches potes qui travaille tout le temps avec toi. C'est ça, il n'y va pas, malheureux. Mais moi, je serais là, je vais, n'y va pas. Il me dira, non, je te comprends. Mais non, c'est pas ça, n'y va pas parce que t'es mon ami. Non, non, franchement, non, une ex, non, c'est une ex. Bah, mais c'est quelqu'un avec qui t'as vécu des trucs et tout. Ça fait un peu, ouais, franchement. Un mec de passage. Une ex à toi, Piette. Je sors avec. Ah non, ça me ferait chier. T'es sérieux? Ah ouais, je pense, ouais. Pourtant. Toi, le libertin. Ouais, mais je sais pas, ça dépend. Je sais pas. Non, c'est, je préfère après qu'elle aille se faire machin par des pompiers, des commandants de bord et tout. Que je connais pas, ça va. Des potes. Demande à Guéguette. Je suis pas attaché du tout. Bah, ça me ferait pas chier si je la revois pas. Mais si du coup elle sort avec un pote et que je suis amené à la revoir, là ça me saoule. Non, mais ça te fera chier parce que c'était ton ex, ça te fera chier de revoir ton ex que tu pouvais plus la blairer. Ça me fait chier de revoir mon ex. Parce que tu la supportais plus. Ouais, mais si c'est un pote qui habite dans le sud de la France qui sort avec elle et je la revois jamais, je m'en fous. Parce que oui, ça, il y a ça aussi. Voilà, ça, ouais. Parce que ton pote, il te la ramène à table. Genre c'est ton ex, tu la supportais plus et tous les dimanches, si je peux venir avec, toi tu te la retapes. Ouais, non. C'est pas possible. Ah non, mais je. Bon, pardon, excusez-nous. Enfin, c'est pas le sujet, hein, mais. Bon, moi, c'est jamais fini avec mes ex, donc. c'est le problème. C'est le problème aussi. Donc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a des ex qui finissent jamais. Ouais, c'est vrai. Il a beaucoup d'ex. Mais bon, d'ailleurs, on sait plus des fois quels sont les ex des actuels. c'est ça. Bon, c'est ex futurs. Océane, mon petit chat. Tu veux le récupérer, toi? Bah, d'à côté, non, parce que. Bah, mais c'était pas ça. Enfin, je te coupe, mais c'était pas son problème. Son problème, c'était pas tant de le récupérer, c'était d'oser retourner au collège pour voir le regard des comploteurs. Ah oui, t'as raison. C'est ça qui l'a gêné, c'était d'oser retourner au collège. Ouais, tu vas aller voir, tu dis, vous êtes content de vous là. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est fini, ouais, mais l'air de rien, c'est quand même fait niquer dans enfin, l'histoire. Enfin, si tous les gens qui se font larguer retournent plus au collège, il va plus rester grand monde dans les classes. Non, c'est justement, c'est bien aller, l'air de rien. Attendez, pour le coup, ils lui ont fait un sale coup, quoi. Il faut pas laisser passer. Faut pas le laisser passer un truc comme ça. Si tu laisses passer ça, ça veut dire, bah allez-y, faites-moi n'importe quoi, je dirai jamais rien. Ah mais ici ils sont 15 contre elle, faut pas se couler. Pas la peine d'aller leur péter la gueule, mais de leur dire, attendez, faut pas te laisser faire. C'est en fait. Bidon ce que vous avez fait, quoi. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes fait monter la tête, là, vous êtes des gamins, vous êtes fait monter la tête par une connasse. Et ça veut dire que vous avez pas de personnalité, quoi. Et puis, il y en a une meuf qui peut vous retourner la tête à vous 15, vous êtes des faibles en fait, c'est vous les faibles. Bien. J'avoue, FTP. non mais ma chérie, vrai, te prends pas la tête plus que ça. Ils se mettent à ta place en plus, hein. Si toi tu faisais ça pour eux. Il serait pas content. Faut pas que tu fasses la victime. Faut juste que tu leur dises, vous êtes des bouffons, vous êtes fait monter la tête pour rien, vous avez rien à y gagner et vous êtes fait monter la tête, c'est tout quoi. Donc et tu craches par terre. Non, voilà. Quand on est une fille, on crache pas par terre. Non, mais enfin voilà, faut pas jouer la victime, mais faut pas ne rien dire non plus, parce que c'est tu redeviens victime justement. Ça veut dire, faites-moi ce que vous voulez, je dirai jamais rien. D'accord. T'as bien compris. Ouais. Ne te prends pas la tête, retourne au bahut tranquillement. L'autre, c'est une bouffonne. D'accord, ma chérie. Allez, détends-toi, ça va aller. Je te fais un gros bisou. Et lui, c'est un bouffon. Hey, tu vas y aller, calme-toi. Oh, les négociateurs, là. Pascal, le grand frère, calme-toi maintenant. Bon, je vous fais des bisous. Je t'embrasse, ma petite Océane. À bientôt. Bisous. Amir sera notre invité tout à l'heure. Dans un instant, il y a un cadeau pourri qu'on peut trouver dans les petites annonces de merde. On va essayer de le dealer pour vous. Si la personne dit que c'est de la merde, on dira bon, vous le prends pas. Voici The Chainsmokers. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. I moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Seat of your Rover that I know you can't. T'as pas de micro. Ton micro n'est pas allumé. Sans micro maintenant. Il veut parler sans micro. Ça fait le mec qui s'est fait recaler de la boîte et qui parle de l'extérieur. Ouais, laissez-moi rentrer. Non, laissez pas rentrer. J'ai des copains qui ont une bouteille. Allez. Non, t'as des baskets, tu rentres pas. Plus dans ta boîte de merde. On s'en fout, on le recale toutes les semaines déjà, à chaque fois il revient. Ouais, c'est vrai, pour mixer et tout. Ouais. Je fais des barman. Non, ça marche pas. Je veux rentrer. Non, t'as une casquette et des baskets. Toi, t'as une chemise avec des traces de On s'en fout, il était derrière la porte, on n'a pas entendu. C'est quoi cette chemise immonde que tu mets souvent. Jolie. Je te dis. C'est quoi cette chemise que tu mets avec des traces de peinture qu'on a l'impression qu'il y a des. Ouais, mais c'est une chemise très. Ouais, très tachée tendance. Très tachée. Tendance. Tout le monde aime bien, sauf toi. Allez, petite annonce de merde à vendre. Un abattant de WC lunettes de toilette blanc. Ah, j'ai le même. Très, très beau. Donc il est bien d'occasion, on est d'accord. Beaucoup de gens ont le même. Hein, ouais, c'est le mien celui-là. C'est le de base. Ouais, bien c'est le de base. C'est le modèle de base. C'est le modèle Castorama pas cher. Quoi. Ouais. Ouais. C'est le modèle généralement quand tu loues un appartement, le premier truc que tu changes, c'est les cuvettes de chien. Ah ouais. Ah bah oui. Les étudiants qui nous écoutent, ça ils le savent. Quand tu loues un appartement, il y a deux trucs généralement que tu passes du temps à nettoyer, c'est le frigo. Mm. Parce que quand il est loué avec, bon, c'est vrai. T'es pas sûr du truc. Et la cuvette des chiottes, ouais. Parce que tu sais qu'avant toi. Ah, c'est impossible. Ah moi, et le pommeau de douche. Tu changes de pot. Ah ouais, bah oui. Je sais que vous savez pas ce qu'elle fait avec. Ah bah c'est con. Moi, j'ai jamais changé quand je louais des appartements. J'ai jamais mais changé. Les gens se sont lavés avec et tout. Ils ont touché le pommeau et tout. Oh, ça me dégoûte. Ils l'ont tenu avec leurs mains et tout. Ouais. Oh, enfin, les amis, il est censé y avoir de l'eau, du nettoyage. Oui, je change toutes les poignées de toutes les portes et tout aussi dans ce cas. Ah bah change tout. Non, bah je nettoie. Change les portes. Le pommeau de douche, je peux pas. Je prends des bains et tout. Et à l'hôtel, comment tu fais à l'hôtel? Explique-moi, parce qu'à l'hôtel, s'il y a bien un endroit où ils changent pas les poignées de douche. À l'hôtel, je suis obligée. Ouais. Quand tu dors dans un lit où tout le monde mais dort. Mais les toilettes, c'est pareil. Hein. J'ai du mal à m'asseoir à l'hôtel. Hein. Bah oui. Et dans les lits, c'est pareil. Moi, je l'ai vu. Elle reste au-dessus. Ouais, je l'ai vu. Je dis, viens de coucher. Mais tu sais que longtemps, j'ai ramené ma thé d'oreiller dans les hôtels. C'est vrai. Je pouvais pas dormir avec les thés d'oreiller, même si je sais que c'est propre, etc. Allez, en attendant, on appelle la lunette de chiottes. Si jamais le monsieur nous dit, on arrive à lui faire dire que c'est de la merde. On lui dit, eh ben pour la peine, si c'est de la merde, on vous l'achète pas. On vous l'achète on pas. Vous l'achète pas. Dis on la phrase exacte, Julie, parce que sinon après ça fait cacophonie. Okay. D'accord. Okay. Les gens ils vont se moquer sur Instagram. Instagram. C'est mon accent. Oui, Jeanne Gardon, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, j'appelle pour l'abattant de WC lunettes. Oui, d'accord. C'est voilà. votre dame qui m'a appelé tout à l'heure. Oui, vous l'avez eu tout à l'heure au téléphone, elle est à côté de moi. D'accord, merci, ok, merci, très chérie. Bien. Merci. Elle a été adorable, j'espère. Hein. Oh, mais tout, bien c'est sûr. C'est ma petite femme, c'est ma petite canaille. Voilà. Donc, voilà, je vous appelais pour savoir d'abord si vous l'aviez toujours, hein, bien sûr. Oui, c'est bon. Oui. Pas de soucis. D'accord, très très bien ça. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, il est neuf, peu servi Il a peu servi en fait parce qu'on a changé pour quelque chose de différent, oui. de moins sobre on va dire, donc il a vraiment peu servi. Vous avez pris des coloris. Vous avez pris un coloris. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai beaucoup hésité moi aussi entre blanc, coloris. Petit carré, vous voyez, il y a celui avec les petits poissons que j'avais vu qui était bleu là, qui se vend beaucoup. voilà, et j'ai hésité aussi. Et je me suis dit finalement blanc, c'est la sobriété. Exactement. Mais blanc, il est quasiment peu servi donc. Hein. Ouais, ouais. Bah, vous avez vu sur les photos. Hein, c'est, oui, bah, ouais. Moi, je vends des choses qui sont impeccables, sinon je vends pas. Surtout ça. Hein. Embêtée, surtout ça. Voilà. Vous avez pas notre. Enfin, ça a servi beaucoup, beaucoup de fois. C'est important quand même. Ça. Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Non. Quand même, non, non, il est, enfin, vous voyez sur les photos, il est quasiment neuf. Oui, c'est oui, abattant. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous le prendre. Il est à combien? Il est à 15 euros. D'accord, bah écoutez, je pense que. On parle doucement, moi je vous le dis. Vous êtes là en fin de semaine. Parce que moi il faudrait que ouais. Je vous le prenne parce que je parle doucement. C'est pour. Il y a l'anniversaire de ma femme dimanche. Et je voulais. Voilà, c'est pour ça que je l'ai eu tout à l'heure. Je voulais, comme elle était intéressée, vous avez entendu, elle était intéressée. Je veux lui faire la surprise. Voilà. Ok, non, mais d'ici vendredi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer quand alors? Je peux venir jeudi. Vous n'avez pas l'air emballé quand j'ai dit que c'était une surprise ou... Ah ouais, parce que. Non, parce que... Je pense que vous êtes un farceur. Pas du tout, madame. C'est que je sens... Non, madame, pas du tout. C'est que je suis en train de me dire que vous êtes en train de vous dire vous-même que. Pour un cadeau d'anniversaire, c'est peut-être de la merde. Ah non, pas du tout. Votre mari offre ça pour un cadeau d'anniversaire, vous trouvez ça bien? Mon mari ne m'offre rien. Ah, mais alors, imaginez, il vous offre ça. Eh ben, c'est mieux que rien. Je me dis que c'est un bon début. Entre un bouquet de fleurs et ça. Eh ben, si c'est pour finaliser ma déco, les décos de ma maison, qui est pour moi très importante, je suis ravie. D'accord. Donc vous préférez, si votre mari nous écoute, vous préférez une cuvette de chiottes que des fleurs? Mais je pense qu'il m'offrirait les deux. Oh, des fleurs dans une cuvette de chiottes. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais. Mais il ne vous a rien offert. Jamais. Mais voilà. On n'arrivera pas à faire dire à la dame que c'est de la merde. Ah, c'est marrant. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Bon, tant pis. Donc, on se dit jeudi. Ah oui, à la fond, voilà. Non, mais je ne viendrai pas parce que je m'appelle Koé, on est sur Énergie en fait. Et je voulais vous faire dire que c'était de la merde, mais vous ne l'avez pas dit. Non. Vous ne l'avez pas dit. Ah, c'est la première fois qu'on vous. C'est la première fois. Ouais. Ah, bravo. Vous êtes, dans les premiers. Mais vous nous avez fait tellement de peine avec votre mari qui ne vous offre pas de cadeau que. Vous allez lui en offrir un. Ah, non, peut-être pas, non. Est-ce que vous voulez que je vous offre des WC à la turque? Vous savez, ce gros truc en porcelaine, là, comme ça, vous... Non, ouais. Vous n'avez pas envie? C'est mieux pour la santé. Mais votre mari vous offre pas de cadeau? Eh ben non. Ça, mais je comprends pas. Alors, excusez-moi, mais alors moi, je suis un homme, je ne comprends pas ça. Il a jamais offert de cadeau ou avec le temps, ça s'est ralenti? Non, jamais. C'est... Jamais. C'est dingue. À votre anniversaire, rien. C'est quand même un petit truc. Mais vous êtes sérieuse. Même pas l'anniversaire. Mais vous êtes sérieuse. Et vous l'engueulez pas? Non. Et vous lui faites des petits cadeaux? À moi tout le temps. Bon, hey, dégagez-le. Ah non, mais c'est horrible. Mais ça. Prenez un amant. Ah, ça se fait pas. Il faut des c'est cadeaux. C'est déjà fait. Gardez-le. Je vous fais des gros bisous et on vous applaudit. Embrassez votre amant et votre mari. À bientôt. Allez. À bientôt. Gros bisous. C'est pas de cadeau, c'est triste, non? Ah ouais. Bien, même pour les anniversaires. Comme Julie. Oh là là. La journée un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui n'ont pas de cadeaux? Prenez les hommes qui vous font des cadeaux. Mais on est heureuse avec vous. Regardez, moi je suis amoureuse de Kinvey. Oui. C'est ma femme, elle me fait des cadeaux tout le temps. Et moi aussi. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que t'es la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi avons nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le rite. Notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que t'es la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Pourra tourner là-bas, je ferai de

forme. Je m'appelle Koé. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y aura Amir tout à l'heure. Il sera notre invité tout à l'heure, vous allez pouvoir lui poser des questions, vous allez dire ce que vous voulez, hashtag Amir chez Koé sur Énergie, hashtag Koé saison 7, et tout à l'heure je vous offrirai grâce encore à la Société Générale, pas tout à l'heure, mais la semaine prochaine je vous offrirai encore des cadeaux, sachant qu'on a offert mardi un tirage au sort de la boxe. Qu'est-ce qu'il y a Julie? Oui. Et qu'il est allé directement, il a été amené mercredi. Ouais. C'est bon ça, non? Ouais. Ah, on amène les cadeaux, on déconne pas nous. Il avait, il avait choisi, vous cochez les cases, vous vous inscrivez sur boxallinclusive.com. Pas Bolox, hein. Boxallinclusive.com. Et en plus, si vous rajoutez le code LESDANCE, je lâche pas mon code, il y a un an de soirée en plus de tout ce que vous aurez choisi dans votre box. Donc ça, c'est cool. Donc pendant un an, t'as toutes tes soirées qui sont payées. Et voilà. Et voilà, vous avez cool la, vous avez la Let's dance. Let's dance. Mais Julie, pas toi, l'autre au téléphone. Julie. Bonsoir Koé. Let's dance. Comment ça va? T'es en forme? Ça va très bien. Où est-ce que tu habites, Julie? J'habite dans le 92. Mais c'est bien ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mère au foyer. D'accord, très bien. Mère au foyer? Oui. Mais quel âge tu as? Je vais avoir 25 ans. Et t'as combien d'enfants? Un seul. Quel âge il a? Elle a 20 mois. D'accord, très bien, très bien. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Léna. Oh, change de prénom. Il a encore temps. Non, c'est mignon, Léna. Non, Léna, c'est mignon. Mmh. Ça fait partie des prénoms qu'on n'entend pas beaucoup. C'est vrai. Elle est mignonne? Oh, c'est mignon, Léna. Elle est gentille? Oui. Oh, oh, pas trop. T'as dit ouf, oui, sur mignonne ou sur gentille? Non, elle est mignonne. Pff, elle est gentille. Mais je dis le reste, elle est mignonne. Bon, quoi là, c'est, non, franchement, non, c'est conceptuel. Elle est pas design. Non, non, elle est sympa, mais voilà. C'est la mienne, donc forcément, elle est mignonne, mais en vrai, elle est moche. Alors, ça veut dire qu'en vrai, elle est moche. Ouais. Quand on dit ça. C'est-à-dire, je suis obligé de lui mettre des filtres Snapchat sur la gueule tout le temps. Quoi. Ça, je lui mets la tête du chien en permanence. C'est énorme de dire ça. Ah, bah, écoute, Julie, enfin. Ouais, c'est réaliste. Mais je connais pas une maman qui dit que son enfant est moche. Ah, ma tante, elle a dit ça pour mon cousin. Elle dit à tout le monde, bah, je sais qu'il est moche, mais bon. Il y a des enfants qui, bébés, ne sont pas beaux. Ouais, ouais. Ah oui, à la naissance, et qui vont le devenir après, mais il y a des enfants, quand ils sont moches. J'avais une petite cousine, moi. Mon Dieu, qu'elle était moche. Oh mais toi, tu l'as trouvée moche, mais ses parents. Non, elle était dégueulasse. Non, ses parents, elle était jolie. Elle était gigantissime, elle avait une énorme tête, elle était immonde. Mais les parents la trouvaient jolie. Je pense pas, vraiment pas. T'es sûr? Non. Et le pire, c'est qu'elle s'est pas améliorée. Non, elle est toujours dans une cage, dans la cave et tout. Arrête, ça va pas ou quoi? Quand ils vont nourrir les lapins, ils la nourrissent un peu en même temps. Non, vraiment moche. Et elle est devenue jolie après. Mais elle est les 4-5 premières années très très laide. Il y a des enfants qui sont moches. Un peu difformes, tu vois. Puis après, hop, tout s'est rétabli en proportion. Là, c'était... Mais oui, si, elle avait une très grosse tête et tout. Elle était très laide. À ce point-là? Oui, bah écoute. T'as pas une photo? Non, bah non, je me lève pas. Mais on a tous connu des gens dans notre famille qui ont des bébés moches. Oui. Non? Oui. Bah oui. Julie qui trouve tout le monde beau. Dès qu'elle voit un enfant, fait un. Non. Dis-moi un autre enfant moche. Mais j'en ai pas dans ma famille, je suis d'accord. Bon, bah maintenant, le tien, ça compte pas. Non, le mien, c'est le plus beau. Forcément. Bah non, évidemment, bien sûr. Ah, forcément. Puis il est là, il a des bonnes oreilles. Mais attends que tu quittes le studio. Toi. Bon, alors, maman, elle s'est mariée? Oui. Maman s'est mariée? Oui. D'accord. Le 17 septembre à la mairie. Très bien. C'est ça. Toi, t'es la seule à avoir pris des photos? Bah, je suis la seule à avoir pris des photos dans la mairie, oui, parce que le maire était assez. Il voulait qu'il n'y ait qu'une seule personne, du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ces gros cons, pardon, mais enfin. interdire des photos. J'ai vu ça aussi la dernière fois, j'étais à un mariage religieux. Ouais. Et t'as le curé qui dit je vous interdis de prendre des photos. Mais ça déconne. Comment tu peux interdire à des gens dont c'est le plus beau jour de leur vie de prendre des photos de ce moment? Alors, autant à la mairie, je suis pas d'accord, mais à l'église, un photographe, ça suffit. Tu vas pas en avoir qu'est-ce mille. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est ton moment. Mais parce qu'il faut respecter, mais c'est regarde, la religion. Mais faut respecter quand ils font chier en chantant les trois prêtres. T'as vu des chansons qui pourrissent? Non, mais je pense que c'est pas ça. Et du respect pour Dieu aussi. Moi, j'interdirais les trois prêtres à chanter. Mais voilà. Ça n'a jamais été interdit de prendre des photos dans une église. Le curé peut interdire. Mais oui, si, il te le dit. T'es le premier à le dire que toi, quand tu mixes ou quand tu fais un truc en boîte, machin, c'est à dire arrêtez, c'est relou avec vos femmes. Mais quand on fait pas la même chose, personne danse en église. T'as déjà vu un mec faire. Est-ce que l'ambiance est chaude dedans? Si t'as tout le monde, voilà. Le but, c'est de regarder les mariés. Si tout le monde est là avec son téléphone. C'est pas le problème. Moi, quand je mixe, c'est parce que quand t'as 1000 personnes devant toi qui ont décidé d'arrêter parce qu'ils veulent te voir et que t'as que des téléphones portables. C'est vite chiant, oui, mais le curé, ça change pas l'ambiance. Un photographe professionnel, ça suffit amplement. Voilà. Mais d'avoir le tonton, le père, le machin et tout ça avec le caméscope, avec les flashs et tout. Vous savez quoi ? C'est devenu insupportable de tout interdire. On a interdit ceci, on a interdit de boire, on a interdit de manger, on a interdit de prendre des photos à l'église. Tout est interdit. Ah, en l'occurrence, à la mairie, il y a aucune. Bah visiblement si. Pourquoi, monsieur le maire, il voulait pas parce que c'est ça. Le maire, il voulait pas. C'est maire d'où ? Merde. Le maire d'une petite ville dans la campagne. Mais parce qu'il est en business avec le photographe officiel. Vous n'avez pas pris le photographe, pas de photo. Bon, il paraît que la robe de ta mère, tu nous as dit, n'était pas terrible. J'aime bien la franchise que vous avez dans cette famille. T'as une fille moche et une robe de mariée de ta mère, pas belle. Tu l'as pas conseillée sur la robe. Ouais, c'est pas ouf. Ça allait, mais c'était pas celle que je préférais. C'est standard. Ouais, c'est classique. Il paraît que tu t'entends plus ou moins avec ton beau-père. Oui, bah, on s'engueule de temps en temps. À cause de quoi? D'accord. Et tu es. Oh, tu es enceinte. Oui. Ah, le nouveau arrive. Dans deux mois. J'espère que ce sera plus beau que le précédent. C'est une fille, alors c'est mal barré. Ah là. Et donc, si tu dis à ta mère que tu fumes, elle va gueuler. Oui, bah, je fume pas en fait en temps normal. Donc, si je lui dis que j'ai commencé maintenant, c'est débile en fait. Voici les 5 phrases à dire à ta mère. Il y a un bug, j'ai perdu toutes les photos du mariage. T'avais qu'à te payer un photographe, me fais pas chier. Oh. En même temps, vu taille et la gueule de ta robe, c'est pas grave. De toute façon, vu ton connard de mari, j'aurai vite des photos du divorce. Et la dernière, tu sais quoi, ta gueule. Dans un instant, et à la fin, tu fumeras une clope pour te détendre. Ouais. Ah mais si, ça sera bien, ça sera bien. Tu seras avec un copain à la fin, d'accord? C'est plus logique. Je serai pas ton mec, je serai ton copain. Un copain de passage. Un copain de passage où on fait nu, on est allongé. Fais l'amour. Ah, juste de passage. Notre invité dans quelques jours, Martin Garrix sur NRJ. Was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? c'est ma faute. Quand est-ce qu'il vient Martin Garrix, Julie, tu sais? Non. Mercredi 5. Ah, peut-être. Mercredi 5, il sera notre invité. Il y a tellement d'invités qui viennent dans les semaines qui arrivent. C'est quand les Lady Gaga? C'est le 10 octobre. Ça, je te laisse. Julie, t'es prête pour le... Non, pas toi. T'es prête pour le super jeu? Redis-moi les 5 phrases. Poker face. Alors, il y a eu un bug, j'ai perdu toutes les photos du mariage. C'est très bien, mais attention, hein, le ton pas trop rigolade. Hein, pas trop rigolade. Oui, oui. T'avais qu'à payer un photographe, ne fais pas chier. En même temps, vu la gueule de ta robe, c'est pas très grave. De toute façon, vu ton connard de mari, j'aurai vite les photos du divorce. Tu sais quoi? La gueule. Très bien, on y est, c'est parti, on appelle. Allez, on appelle maman. C'est parti. Oui. Ouais, je te dérange pas là? Non. Ouais, tu m'appelles en privé? Parce que mon téléphone est une merde, faut que je le change, ça me saoule. Mais du coup, je t'appelle pas pour ça. En fait, j'ai un petit problème. J'ai eu un problème avec l'ordi. Et du coup, il y a eu un bug. J'ai perdu toutes les photos du mariage. C'est pas vrai. Bah, c'est pas sérieuse. Bah, si. Oh, mais non, Julie. Et, du coup, j'arrive pas à les récupérer, quoi. Le PC, je sais pas ce qu'il a fait. Il a planté et bah... Voilà. Je sais pas où elles sont. Bah, elles sont forcément dans le PC. Tu les as pas supprimées. Non, non, elles sont forcément aussi sur la carte mémoire. Mais quand j'ouvre la carte mémoire... Bah, il n'y a plus de photos, ça met que la carte est vide et impossible de les trouver sur l'ordinateur. Putain, mais c'est pas possible. Ça a tout planté, quoi. Bon, en même temps, vu la gueule de ta robe, c'est pas très grave, hein. Pardon? T'as dit quoi, là? Bah, allô, vu ta robe aussi, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, là, ma robe? Bah, c'était pas belle, enfin, c'était pas la meilleure, quoi. T'aurais pu en choisir une autre. Mais t'es sérieuse, là? Attends, elle était belle, ma robe, qui te fout de ma gueule? Non, elle était dégueulasse, quoi. Puis de toute façon, tu te serais payé un photographe, bah, ça serait pas arrivé, hein, on te fait pas chier. Bah, tu vois, bah, c'est ce que j'aurais dû faire, tu vois, j'aurais dû m'écouter. Bon, moi, j'aurais eu mes photos, et puis on m'aurait pas visité à la gueule, ouais, ta robe a été dégueulasse. Bah ouais, t'as raison, t'aurais dû faire ça. Je sais pas pourquoi tu m'as demandé... Maintenant, je peux pas revenir en arrière aussi, je fais comment? Putain, en plus, j'attendais les photos... Et je fais comment, moi, pour donner des photos aux gens qui étaient là et tout, qui m'ont demandé plein de photos? Bah, il faut que tu vois avec tes autres invités s'ils ont pu faire des photos de la salle et tout, mais moi, du coup, bah, j'y aura pas de photos de... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la salle, Julie? Bah, si ouais, des photos, c'est parce qu'on était dessus à la base, c'est pas pour la salle. Bah, ils ont dû prendre quelques photos où t'étais dans la salle. Bah oui, des photos de dos, ouais, super. Heureusement que je t'avais dit à toi de rester devant... pour que tu prennes les photos à la mairie et tout, et puis voilà, maintenant tu me dis que t'as plus de photos, je fais comment? Bah, ça se trouve, elles étaient floues aussi. Et puis peut-être qu'il y en a derrière qui ont pris des belles photos, enfin, de dos, c'est sympa. Si je t'ai demandé à toi, c'est parce que je sais que tu prends des belles photos déjà à la base. Tu m'aurais pris des photos de merde, comme la nièce à François, elle a fait. Là, ok, j'aurais dit, bon, j'aurais pas demandé d'ailleurs, parce qu'elle a pris des photos avec son téléphone, donc c'est pas net. C'est pour ça que je me suis adressée à toi, j'aurais mieux fait de m'adresser à un photographe. Enfin, prendre une robe dégueulasse, ça peut pas bien ressortir sur une photo, hein. C'est... De toute façon, comment ça? Mais qu'est-ce que après ma robe, tu m'as dit qu'elle était belle, ma robe? Bah, je voulais pas le malentendre. Tu me dis que c'est une robe dégueulasse, tu te fous de ma gueule? De toute façon, vu ton connard de mari, j'aurais vite les photos du divorce, alors c'est bon. De quoi? Mais il t'arrive quoi, là? Bah, c'est toi, là, tu m'énerves, tu me prends la tête, je te dis que j'ai eu un problème avec... Quand on a parlé du mariage, attends, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Quand on vous a parlé qu'on allait se marier, tout le monde avait l'air heureux. Maintenant, tu me dis mon connard de mari. Oh, c'est quoi ta gueule? Pardon? Non, attends, là, je rêve, là. Non, mais c'est pas possible. Tu me fais quoi, Julie? Je te raconte mon problème, tu me prends la tête. Bah, attends, mais c'est mon problème aussi, c'est mes photos. Bah, c'est que des photos, putain, c'est bon, personne n'est mort. Bah heureusement encore. Putain, mais des photos, mais attends, c'est la première fois de ma vie, je me marie. Julie, tu me dis quoi que j'ai plus de photos? Et Julie, t'as mis où les clopes là? Julie. Je sais pas, mais donne-moi dans une là, parce que... Mais bosse pas, lui. Tiens, allume, tiens. Julie, je t'allume ta clope là. Ouais, mais... Non mais il est sérieux, tu te fais fumer, t'es enceinte. Et comment tu sais qu'il est pas au boulot, lui? Oh, ok, ferme ça. Non mais c'est la marque. Oh, qu'elle la ferme. C'est un copain. Il est où? Bah, c'est qui est avec toi? Elle dit qu'elle la ferme, ça rend dégueulasse. Et... ouais, mais il parle comment là? Attends, il se croit où lui? Donc, elle s'achète du goût. Non. Non, mais Julie, t'es où là? Julie, prends ta clope, allume, bordel. Et moi? Allume ta clope. Voilà, je vais pas rester dehors. Tu fais quoi là? Bah là, je vais fumer une clope parce que tu me saoules. Bah, on fume. Non, mais t'es sérieuse là? Attends, alors moi quand je fume, tu gueules parce que tu me dis que je pue avec ma clope. Ouais, et que toi t'es enceinte, tu vas fumer. Ouais. Non, enfin, de toute façon, je suis majeure, c'est ce que je veux maintenant. Ouais, mais... bah ouais, mais quand même. Et t'es avec qui là? Eh, on s'en fout de tout ça, dis-lui. Qu'elle arrête de nous saouler. T'es avec qui là, Julie? Elle nous saoule, ta mère, je te jure. Mais vas-y, mais c'est qui celui-là là? Non, tais-toi avec ta vas-y, voix. Vas-y, ferme ta gueule là. Ferme ta gueule, toi. C'est quoi cette voix agaçante? Enfin, ferme ta gueule. C'est quoi cette voix pénible? Mais toi, ferme ta gueule. T'es qui pour me parler comme ça? Mais vas-y, mais toi, ferme ta gueule. Enfin. Putain, mais c'est pas possible. Julie. Oh putain, hey, tu sais quoi? Attends. Oui. C'est qui ce mec? Oh là là. C'est un copain? Dis, comment ça, un copain? Oh, alors ton mec il va bosser et puis il y a des copains qui viennent chez toi qui te font fumer. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est ma fille, ta gueule. Oh, merde. Ta gueule, toi, enfin, ça va, on fume des clopes, on baise, on fait de mal à personne, voilà, c'est tout. Comment? Non, mais comment ça? Mais hé, Julie, je vais appeler Marc, je te préviens. Allez, vas-y, c'est ça. Alors ça pour cafeter, il y a du monde, va t'acheter des fringues plutôt. Non, mais il est sérieux, lui. Non, mais attends. Attends, et ta mère, au niveau de la vue, offre-lui un labrador à Noël. Hein, parce que là, visiblement, c'est à trouver la robe jolie. Je peux rien faire pour elle. Hein. Mais vas-y, mais ferme ta gueule. Tu te prends pour qui, là? Et quoi? Quoi? C'est à moi qui parle? Attends, je prends le téléphone. Attends, je prends le téléphone. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu te prends pour qui là? T'es qui toi? Mais toi tu fermes ta gueule, pourquoi tu me dis ferme ta gueule à moi? Tu me connais pas? Mais attends, mais tu me connais pour me parler comme ça toi? Et déjà d'où tu me tutoies? Il est où le respect là? D'où tu me tutoies? Et alors, je suis plus vieille que toi, alors ferme-la. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as quel âge? Moi j'ai 50 balais moi. Ah ouais, t'es vieille. Ah ouais, carrément. Ouais, ah, ouais. Je suis vieille, je t'emmerde. Ah ouais, carrément. Ah non, si je t'emmerde. Ouais. T'es qui toi maintenant? Ouais, ça te regarde pas. Comment ça, ça me regarde pas? T'es avec ma fille, t'es chez ma fille et ça me regarde pas? Je m'appelle Riton. Riton? Ouais. Qui Riton qui? Riton, le roi du marteau pilon. Riton. Ouais, vas-y, fous-toi de ma gueule en plus, ouais, ah t'as ouais. raison. Bon, bah, allez, ma fille là. C'est Riri. Quoi? C'est Riri. Riri? Ouais. Ah oui. Vas-y, mais Riri. T'as que ça à faire, t'amuser là? Moi j'ai pas le temps de m'amuser. Ah, tu moi. M'as même pas de bandit, c'est qui Riri? Non, j'ai rien à foutre, c'est qui Riri? C'est celui qui t'encule dans le taxi. Bon, alors, vanne rapide. Ça bon, va pas. Ouais, blague rapide. Oh là là, ouais, pas moi, caméra café. Hein, bon. Allô, attends, je vais reparler à ta mère, je vais dire un truc. Ah, hey, maman? Ouais, hey, je suis pas ta mère déjà. Bah, je t'appelle maman quand même. Eh, hey, Sandra? Ouais. Sandra, tu fumes là? Je t'ai entendu fumer. Je sens déjà. Ouais, je fume là, ouais, je suis énervée là, je tremble là. Ah, ouais, attends, j'ai rallumé une cigarette à ta clope, ta fille. Tiens. Tiens, Julie, je t'ai rallumé ta clope. Julie, je vais te claquer la gueule, je te jure que tu vas voir. Pourquoi? Parce que déjà, elle fume, elle est enceinte. Oh, attends, elle gueule quand moi je fume et puis elle se m'a fumé maintenant? Ah, ouais. C'est ça les jeunes. Oh là là. Ouais, je peux parler à ma fille? Non. Non, non. Comment ça, non? Bah non. Pas là, non. Non, c'est pas possible. Elle était vraiment dégueulasse, sa robe. Dégueulasse. Ah dégueulasse. Tu t'es d'accord avec moi? Ah là là. Ah, ouais, tu l'as pas vu d'où tu dis qu'elle était dégueulasse, ah, ma si robe? Ah, si on a vu les photos. Ah, attends, moi, attends. J'ai cru que c'était une désigual. Mais y'a pas de photos, ils sont où, mes photos? Ah, mais y'en a une, moi, j'ai la photo à côté de ta fille, à côté de Julie, avec le bouquet dans la main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que t'as piqué ça sur. Eh bah, alors, ils sont là, mes photos? J'en ai vu une, immonde, dégueulasse. Dégueulasse. Pour ça, les autres, on les a détruites. Bah, j'en ai rien à foutre. Moi, elles me plaisent, mes photos. Ah ouais? Enfin, elles me plaisaient. Ah ouais, bah oui. Ah bah elles, on les a perdues. Tu les as pas vues, ouais. Surtout. Ouais. Bon, si je te dis qu'on les a pas perdues. Bah elles sont où? Dans ton cul. Oh, bah puis, c'était trop facile. Ouais, je me suis retenu, mais bon, ne le fais pas. Si je te dis qu'on les a pas perdues. Bah, de toute façon, c'est pas toi qui les a, mes photos, c'est ma fille. Si je te dis que ta fille, elle fume pas. Mec, la robe était quand même non, dégueulasse. Arrête, arrête. Si je te dis que la robe était pas dégueulasse. Si je te dis que je m'appelle Koé. Koé. Ouais. Koé sur énergie. Si je te dis qu'on est sur énergie et que c'est une blague. Ouais, c'est ça. Fais un bisou à ta mère, Julie. Ah oui. Julie, fais bisou à maman. Oui, bah tu vas t'en prendre une quand même, hein.

L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais décalé, ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pardon, poussez-vous. Ouais, mais il y a du monde ici. C'est quoi cette soirée? C'est la soirée Freebox Révolution. Toutes les chaînes sont présentes. Oh la vache. Et on est combien? Plus de 500. 500 chaînes? Ouais, et en plus, il y a les services replay là-bas et toutes les chaînes HD au fond. Hé, hey, sexy les chaînes HD. Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Révolution. Merci. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Énergie extravagante. The DJs are great. Tiesto, Martin Garrix, Armin van Buuren, Sander Van Doorn, Hardwell, Dimitri Vegas, Like Mike, Steve Aoki. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Style jusqu'à minuit. Ici, c'est Énergie. La radio des top DJ mondiaux. Mathieu Croissando, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine dans l'Obs, inégalité, ça va craquer. Les meilleurs économistes de la planète dénoncent l'aveuglement des élites qui mettent nos démocraties en danger. À lire aussi dans cette Obs renouvelée et enrichie, la confession exclusive du maître espion John Le Carré. L'Obs, éclairer, débattre, combattre, c'est chaque semaine dans les kiosques et chaque jour sur le web. Il y en a peut-être plein qui voudraient aller faire un tour au parc Astérix. Je sais, bientôt ça va être les vacances. Là vous me dites, ouais mais on peut pas, on bosse. Mais bientôt les vacances. Qui dit les vacances dit que vous aurez le temps d'y aller. Ça tombe bien le 19, ça tombe un quoi le 19? 19 octobre, un mercredi. Le mercredi 19, donc ouais. Les vacances, c'est pas le premier jour des vacances? Ah, c'est pas les vacances du tout le 19 octobre. Si, je crois. Si, si. Justement. Elle démarre le 19 octobre, je crois. Je me demande au public, bougez pas, ça démarre quand les vacances? Mercredi 19. Dion, qui c'est qui m'a répondu comme ça? 19. On va dire, elle rajoute un connard à la fin de la phrase aussi. 19, connard. Ici, elle commence mercredi 19. Eh bien, ce jour-là, vous serez avec nous au parc Astérix. Ouais. Vous allez pouvoir même peut-être y aller deux jours. Ouais. Transport, hébergement, une nuit d'hôtel et vous y allez qui vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence le 19, ouais. Merci Loris. Merci pour cette intervention. C'est notre envoyé spécial. Hein. Ouais. Dès qu'il peut, il est là, il le dit. Sophie, on fait un gros bisou à la Bitensi. Ça va, Sophie? Ouais, ça va et toi, Chloé? Mais oui, ma chérie. Tu représentes Adam. Adam, salut, ça va? Adam, vous allez tous me calmer ce petit temps ou quoi? Adam, non, moi c'est Adam comme Kev Adams, c'est tout. Non, c'est pas marrant. Adam, 14 ans, dans quelle ville? Il n'a pas d'humour. Adam comme Kev Adams, non, pas du tout, je ne supporte plus cette réflexion. Vous allez arrêter maintenant. Livry-sur-Seine. Adam, ok, l'un de vous deux. Oui. Va gagner la possibilité de partir avec qui il veut au parc Astérix les deux jours et nous voir pendant l'émission où on sera là-bas. Mais pour cela, il va falloir faire le défi de la peur. Le défi de la peur du jour, c'est l'élastophobie. Vous l'avez compris, l'élastophobie, c'est la peur, Julie. De l'élastobal. De l'élastique surtout. Ouais. L'élastobal, c'est ce qu'on a inventé. C'est deux gros tendeurs à vélo, boule de tennis, une ceinture. On tend, ça on lâche. Mal. Ça fait très mal ça. Celle qui va le faire, c'est Pietre. Oh, ah, si, merci, parce qu'une fille, on peut pas. Ah, j'ai mal au dos. Eh ben voilà. Écoutez-moi bien, Sophie et Adam. Chacun va tirer une boule de chaque côté. On va la lâcher. Là où vous allez devoir parier, c'est va-t-il crier ou faire un oui ou non. S'il y a un son qui sort de sa bouche, on considère que c'est gagné pour celui qui a dit non. S'il fait un petit c'est perdu. Pietre, qu'est-ce que c'est de négocier? Rien du tout. Si, bon, tu rien du dos. Non, j'ai mal au dos, donc ça tape sur le cul, mais pas dans le dos, surtout pas. C'est ça. Hein? Tu veux changer? Ta chochotte. Non. Tu veux quelqu'un d'autre que toi prenne ta place? Ah ouais, franchement, ouais, je fais celui de demain, moi. Pas de soucis, je sais pas ce que c'est, mais je fais celui de demain. Pietre. Loris? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au lombaire. Bon, allez, je le fais. Mais c'est en combien de coups? Ah, juste alors, on tire chacun de son côté, on lâche en une fois. Voilà. Si tu cries, il y en a un qui gagne. Non, c'est pas d'abord. Crier hurlement, hein. C'est ouais. même un petit c'est considéré comme un cri. Tu dois rien dire. Oui, okay. Il faut vraiment faire, on doit entendre le truc qui arrive et ça doit être. Si t'es un bonhomme, il n'y a rien qui sort. Sophie, est-ce que tu penses qu'il va faire un petit cri, oui ou non? Bah oui, il va crier, le pauvre. Donc, Adam, tu penses qu'il ne fera aucun bruit, t'as pas le choix? Tout à fait. Ok, très bien. On joue pour le transport, l'hébergement et être avec nous au parc Astérix et l'hôtel et tout. À l'occasion de peur sur j'en fais un aussi, donnez-moi un micro. Alors, attention, donc on installe le. Oh là là, oh là là. Comment? Dans le dos? Alors, t'as mal au dos? Oui, un peu. Ah, on va faire les couilles. Non, non, j'ai mal. Parce que le dos, ça va faire trop mal. Au moindre petit bruit, c'est Adam qui gagne. Si tu cries. Non, non, attends, si tu cries. C'est la demoiselle qui gagne. Oui. Si tu fais pas de bruit, c'est Adam qui gagne. Ok, ok, ok, ok. Ah oh t'es sérieux? Non. T'es sérieux? Arrête, arrête, c'est pas bien. Mais t'as fait quoi, Pietre? Ça va? Oh là là. A-t-il légèrement crié? Je ne sais pas. Je crois que je demande peut-être un. Non mais. Je demande peut-être un ralenti. Oh là là. Mais touche le truc, touche la boule. Mika, viens l'essayer, viens l'essayer, viens l'essayer. Allez, vas-y, Mika. Adam, oui. Tu avais dit qu'il ne crierait pas. Tout à fait. C'est légèrement perdu. Par contre, Sophie, tu avais dit qu'il crierait. Allez, Mika écrira. Elle n'entend rien du tout avec son téléphone. Sophie. Oui, j'ai gagné. Bah. On en doute. Je pense que tout le monde t'applaudit. Oui, t'as gagné, ma chérie. Je te fais un gros bisou. Bisous ma belle. On est en train d'équiper bisous, Mika. Bisous, tu seras avec nous au parc Astérix. Nous allons essayer Mika Mikaze. Attends, ça fait si mal que ça. Mika Mikaze, je rappelle Mika. On va le faire autrement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire autrement. Atroce. Ah oui. On fait le même. On fait le même. Attention, Mika, non, le micro contre la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il s'accroche lui. Ouais, lui c'est un barbare lui. Il s'accroche. Non, mais il est malade. Le micro, attention. Non, non, non. Bien. Non, mais toi, à deux. Allez-y, à deux. Chut, silence. Attends, viens, on tire tous en même temps. Attends, mais non, on frappe en même temps. On va réessayer sur Loris. Non, je sais ce que ça fait. Ça pique les yeux quand même. Ça pique. Ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression que quand la boule elle est rentrée, tes yeux sont sortis légèrement. Ça pique un peu. Ah, voilà. Bon, ça va? C'est atroce. Non, mais le gars il boit un cocktail hier soir. Enfin, il boit un cocktail et il est en mode je le bois tranquillou. Là, merci Julie de pas finir. On la garde. Vous me la gardez, c'est parce que celle-là, je voudrais qu'on commence l'émission de demain avec cette belle intervention de Julie, qui est une espèce de leçon pour tous les gens qui veulent faire de la radio. Là, il y a des gens qui sont derrière la radio, ils disent mais comment elle est arrivée à ce poste en fait. Mais c'est parce que vous me regardez. C'est la seule meuf qui finit pas ses phrases. Parce que vous me regardez tous en mode je sais que tu vas pas finir ta phrase, du coup je la finis pas. Elle a tout lâché d'un coup. Elle finit plus maintenant. Elle dit non parce que le mec. Elle finit plus. C'est son nouveau truc. Loris. Merci Pico. Ouais. Loris. Oui. Ah oh t'es sérieux? Il était léger ce bruit. Léger. Ah oh c'est t'as rien senti, c'est ça qui est bien. Bienvenue sur Énergie tout le monde. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est qui? Ah t'appuies sur des boutons, tu sais pas qui c'est. C'est qui? Ah bah c'est Lady Gaga. Oh là là, tiens pour la peine ce sera pour Loris. Ah Lady Gaga sera notre invitée, elle vient là dans quelques jours. In the middle zone, I just want you alone. My guessing game is strong, way too real to be wrong. et Coé sur Énergie. On dirait qu'il est notre invité. On dirait. Moi, j'adore. J'essaye de se faire pardonner pour le canular de la dernière fois. Ouais. Je t'ai déjà dit. À chaque fois qu'il me voit, il a un regard de est-ce qu'il va me foutre une tarte ou pas. Non, mais là, c'est bon, on est. Je t'ai déjà dit, quand tu hurles, préviens-moi. Ah oui, c'est derrière moi, putain, j'entends un hurlement, je sais jamais d'où ça vient. Dis-moi, préviens-moi. Comment ça va, camarade? T'es en forme? Super. Chaque fois que je viens, j'ai la pêche. Mais ouais. Tu vas être bien chez nous, tu vas être bien. J'ai entendu la dernière fois, j'étais sur une radio. Je me baladais, je sais plus où j'étais en France, je zappais. Parce qu'il n'y a pas énergie partout. Hein, on est presque partout, mais pas. Oui. J'ai écouté notre radio, j'entendais Amir en concert, machin et tout. Ah, ça y est, la tournée, machin, tout, etc. C'est bien ça. C'est allé assez vite. Ouais. Ah non, mais c'est bien. J'ai des dates ou pas? Voilà, oui, je les ai. Toutes les dates. On commence le 15 octobre. Longe jumeau, t'as raison, faut pas partir loin au début, vous allez vite rentrer. Ensuite, ça, Le Havre, ensuite Amiens, Châtellerault, Marseille, Villeurbanne, Paris, La Cigale, le 17 novembre, tu vas kiffer La Cigale. Yes. Moi, je la fais quand, moi? Au mois de février ou au mois de mars? Février, non? Ouais. Villeurbanne, Paris, bah, c'est La Cigale, je viens de le dire. Chalon-sur-Saône, Besançon, Bourg-les-Valence. Il y a du Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Albi, Béziers. Ouais, tu fais toute la France, là, hein? Fausse-Villers. Et ça s'ajoute sans arrêt, c'est marrant. Tout, Florange et tout, etc. Mais c'est bien Dunkerque, Arras, Saint-Amand-les-Eaux, c'est génial, mec. Je suis content pour toi, c'est une tuerie. Mademoiselle au premier rang qui est donc amoureuse de toi, la jeune fille blonde. Qu'on n'a rien à foutre de nous. Alors nous, elle est venue pour nous, elle ne nous suit sur aucun réseau social. Elle n'a rien à foutre de nous. Elle sait même pas comment je m'appelle. Elle dit, elle doit s'appeler Chloé. Mais par contre, si tu l'invites à boire un verre après l'émission, elle s'en fout. Elle te dira non. Elle dit non. Elle dit, elle est très fan. Elle dit, mais si tu l'invites à boire un verre, elle fait non. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis que fan. Ah oui. Moi, j'aime ces chansons. Le reste, non. Pas de café, moi. Bon, Mélissa, 19 ans. Je te présente Amir. Vas-y, ma chérie. Coucou Amir. Coucou, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Super. Alors, j'aimerais savoir de quoi t'es-tu inspiré pour ta chanson On dirait. Cette chanson, on l'a écrite. En fait, je ne l'ai pas écrite. C'est deux amis à moi qui l'ont écrit et composé pour moi, Nazim et Jérôme. Mais j'étais avec eux et puis je leur ai demandé d'écrire sur le thème de la reconnaissance. Parce que j'étais dans une période où je venais de me lancer dans la musique. Il y avait plein de gens qui me donnaient des bons conseils, qui m'aidaient à devenir ce que je rêvais d'être. Et je voulais leur offrir une chanson en leur disant merci, vous êtes mes anges. Et je pense que c'est un thème qui peut nous toucher à tous parce qu'on a tous l'impression d'avoir des gens autour de soi qui veulent notre bien. Donc mon inspiration personnelle était autour de mon métier, de mon rêve, mais voilà, ça peut être compris par chacun à sa propre façon et être chanté à qui on veut finalement. Oh, c'est bien dit, putain, c'est beau. Des forces des chanteurs qui savent pas aligner trois mots sans faire quatre fautes. T'exagères. On en a reçu, Julien, on en a reçu. Oui. Regardez-moi, il est brillant, il est beau. Ah, ouais. Il fait des phrases et tout. Oui. Ah, il n'a pas d'autotune. Mais il n'a pas de. J'ai rien dit. Bisous Mélissa, je te fais un gros bisou ma chérie. Gros bisous. Je t'embrasse. Avant qu'on se fasse la chanson, faisons plaisir au public. Allez. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à faire? L'instant café. Ah. Viens t'asseoir à la place de Julie. Vas-y, je te laisse. Ah, ça y est. Allez. Ah bah oui, elle voulait prendre. Maintenant qu'elle a dit oui, je veux bien prendre un café avec Amir, j'amène les cafés. Ça y est, c'est fait. Voilà. Alors, c'est fait direct. Tu sais quoi, mettez-vous côte à côte, rapprochez-vous, ramène le micro devant la demoiselle. Parlez-vous et faites comme si on n'était pas là. Il a mis un vent. Je rigole. J'ai pas mis un vent. Ah, le micro vers toi, mademoiselle. Très proche. Voilà, allez-y, parlez-vous. On n'est pas là, on n'existe plus. Très joli, hein. Elle est très jolie, ça. Voilà. C'est pour ça que je veux pas qu'elle s'assoie sur mes genoux. Bien sûr. Allez-y, parlez-vous. On n'est plus là, Amir. T'es dans un bar. Mais c'est la lumière, les gars. Super, ouais, approche-toi du micro. Alors, ça te fait quoi de présenter une émission de radio pour la première fois? C'est gênant. C'est gênant. Mais pourtant, tu t'es là où t'as envie d'être. Un café pour la carte, tu sais qui a commandé un café? Nous deux, monsieur. C'est vous deux? Merci beaucoup. 27 euros. Alors... Bienvenue à Paris. Où est-ce que tu habites? Je te connais, toi. T'as fait l'Eurovision? Yes. Ouais, j'aime pas ce que tu fais. Café, 27 euros. Allez, on dit pêche, le croissant, c'est 30 euros. D'accord, je vous laisse. Ok, on y va. Et donc, ça se passe comment la vie pour toi? Bah, très bien. Quels sont tes hobbies? Bah, la musique. La musique? Il y a des artistes que tu aimes bien? Le chanteur de l'Eurovision, t'es garé sur la place de livraison, tu vas bouger ta merde, d'accord? Moi, je veux bien, vous finissez le café, c'est 27 euros, d'accord? Finissez. Allez, on y va. Tu veux qu'on s'en aille? Oui, parce qu'il râle. Hein. Chez toi ou chez moi? Ah. T'es marié. Bien, bonne réponse. Comment t'as mis en place en je deux secondes? T'es marié. Je suis marié. Ouais. Ouais, bravo. Hey, bois ton café. Je dis, attends, t'aimes pas le café ? Eh ben, t'es obligé de boire. Hein, c'est obligé. 27 euros, hein, ça coûte une fortune. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien faire plaisir aux auditrices. T'as vu ? Bim, elle prend. Tu vas rentrer de ce soir à la maison. Tu vas dire à ton chéri, tu sais quoi ? J'ai pris un café avec Camille. Elle est célibataire. T'es célibataire ? Bah alors ? Elle a pas de chéri. Bah alors ? Mais oui, mais lui, il a une chérie. Je veux pas t'intimider. Je te jure, c'était vraiment très amical. Et sache que, comme je te le dis à chaque fois, c'est sincère. Ouais, je fais j'apprécie ça, beaucoup tes présences. J'apprécie les gestes. Y a rien de mieux qu'un rapport sexuel amical. Très amical. Moi, je te dis souvent, c'est en copain. J'apprécie tes sourires, tes gentils mots, t'es quelqu'un d'adorable et merci d'être là à chaque fois. Mais arrête de le harceler quand même, sinon il t'envoie la police. Et est-ce que ça te ferait, bon, Amir, on va se mettre à chanter. Comme ça, tu vas te mettre au premier rang et tu vas le voir. Il va chanter que pour toi. Parfait. D'accord. Ah, t'as vu ? Tu vas me suivre sur Twitter quand même après la fin de l'émission ? Non, hein, s'il te plaît. Il a payé son café. Ouais, j'ai payé mon café, ça vaut bien un follow. C'est maintenant, c'est moi qui demande, ouais, t'as vu ou pas ? Ouais. Amir, on se met à chanter ou pas ? Ouais. Faites beaucoup de bruit, voici Amir sur Énergie en live, premier titre de la soirée. Regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, yeah. Et on dirait. On a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, yeah. Et on dirait. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tout, tout, tout autour de toi. Toi, t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tout, tout, tout autour de toi. Toi, tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. J'adore, je kiffe ce mec. Julie, tu enlèves ton fils de tes genoux, s'il te plaît. Enfin, bonjour. Attends, prends le micro. Attends, je vais parler à Gaspard. Bonjour Gaspard. T'aimes bien est-ce que tu aimes bien Amir? Oui. Oui. Pourquoi tu aimes bien? Parce que quoi? Moi, je voulais aider à la maison. Tu sais que Julie, on comprend rien. Ah, dit ton fils. Il a à peine 3 ans. Il a 12 ans. Il a des problèmes d'élocution. Excuse-moi. Il devrait parler mieux que ça, normalement. Ah non, il y a un problème. Un problème. Cet enfant n'est pas. Hein, Gaspard? Oui. Tu veux quelque chose à manger? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, on comprend vraiment pas. Hein. Allez, je te fais un bisou, Gaspard. Tu vas dans le fond, tu me laisses travailler maman? Ouais. Il est trop, trop beau. Bon, t'es pas obligé de dire merci ça. C'est la phrase de trop, tu sais. Ils sont graves, ils aiment pas les enfants aussi. Hey, on est conscient. Ouais. Quoi, on est conscient de quoi? Arrête. Julie, elle est au courant. Il est beau, en fils. Whitney! Oh, Whitney, c'est marrant ce prénom. Whitney, je te présente Amir. Bonjour. Whitney de Carcassonne. Salut Whitney de Carcassonne. Salut. C'est un prénom du sud-ouest, Whitney. Ouais. C'est typique. Avec son frère Brian. Ah oui. Ça, c'est très Carcassonne. Très Carcassonne. Vas-y, Whitney, pose ta question, ma chérie. Bon, alors, ma question, c'est... Donc, Amir, quelle est la chanson de ton album qui te tient un peu particulièrement à cœur et pourquoi? Alors écoute, il y en a plusieurs. C'est chacune d'entre elles est mon bébé à sa propre manière. Mais puisque j'ai dit à ta manière, à sa manière, il y a une chanson qui parle de mon père, qui s'appelle À ta manière, et qui a une histoire particulière, étant donné que contrairement aux autres titres de l'album, sur celle-ci, j'ai décidé de parler de moi, mais aussi de quelqu'un d'intime, mon papa. Et sans passer par quatre chemins, je lui dis en face des choses que j'ai voulu lui raconter depuis que je suis gamin et que j'ai jamais osé faire. Ça s'est fait dans une chanson. Je lui dis finalement que même s'il n'est pas démonstratif, qu'il n'a pas l'habitude de montrer son amour d'une manière très très ostentatoire et très visible, et qu'il est pudique et qu'il est peut-être un peu macho, au final je sais qu'il nous aime et on l'a toujours compris, et c'est un message pour lui apporter du réconfort. Voilà. Ça l'a touché et il a pleuré quand il a entendu cette chanson. Oh. Et nous on n'est pas loin là. Deux doigts de verser une larme. Je te fais un bisou, Whitney de Carcassonne. Au revoir, Whitney. Bisous. Il y a Pauline, Céline, Manon, il y a du monde qui veut poser des questions, mais pour l'instant, puisque ta chanson s'appelle On dirait, écoute bien, nous on dirait. En écoutant certaines chansons, que l'on a reconnu des phrases françaises. Et on dirait qu'ils disent autre chose. Par exemple, dans la chanson de Madeleine Bailey, Rude. Tu la connais celle-là? Bien sûr. C'est pas elle à la base. Hein, mais... Elle a reprise. Oui, c'est une reprise. Mais on dirait qu'elle dit Salut tout le monde et Chantal elle pète. Ah oui. Ou on dirait qu'elle dit Désolé les gars, je crois que j'ai des gaz. C'est pas une blague. Hein. C'est un des deux. On dirait on qu'elle dit trucs. Une des deux phrases. Hallucination auditive. On dirait qu'elle dit Salut tout le monde et Chantal elle pète. Que je choisisse. Ouais. Ou Désolé les gars, je crois que j'ai des gaz. Désolé les gars, je crois que j'ai des gaz. Eh ben non, quand on écoute bien, on dirait qu'elle dit Salut tout le monde et Chantal elle pète. Écoutez bien. Dans la chanson de Rihanna. On dirait qu'elle dit clafoutis ou riolet. Riolet. Ah oui. Vous avez un service spécial chez NRJ qui cherche ses trucs. On est un peu plus on a fonctio, ouais. Omi, dans la chanson de Cheerleader. Tu te souviens de celle-là? Je la connais par cœur. On dirait qu'il dit on s'en va en Suisse, Leclerc il est moins cher, ou on va quitter la France, on s'en va chez Lidl. Ah ah! On s'en va en Suisse, Leclerc il est moins cher, ou on va quitter la France, on s'en va chez Lidl. J'essaie de trouver la similarité avec l'anglais, je crois que oui, la deuxième. Il dit, on va quitter la France, on s'en va chez Lidl. On va quitter la France, on s'en va chez Lidl. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux. Elle est magique celui-là. Génial. On va quitter la France, on s'en va chez Lidl. C'est beau. On est mal, patron, on est mal. On continue. Macklemore. Dans sa chanson, on dirait qu'il dit pigeon, pigeon, pigeon, pigeon ou mouette, mouette, mouette, mouette. Pigeon, pigeon, pigeon, pigeon. Can we go shopping? What, what? C'était mouette, mouette, mouette, mouette. Taylor Swift, dans cette chanson. On dirait qu'elle dit assis aux toilettes ou on dirait qu'elle dit debout sur les chiottes. Ah, ça se complique. Ouais. On t'entend, c'est ouf. On a bien entendu vous le voulez m'aider? Non. On dirait qu'elle dit assis aux toilettes. Assis aux toilettes. Ah, si tu crois vraiment qu'elle dit assis aux toilettes? Je pense. Écoutez bien, ça va très très vite. Assis aux toilettes. Hey. Ça marche. J'en ai 3 Bruno, sur 5. Hein. Bruno Mars. Est-ce que dans la chanson, ils disent Hôtel Franck Dubosc ou Palace Kev Adams? Le est-ce qu'ils disent Hôtel Franck Dubosc? Hôtel Franck Dubosc. Ouais. Ouais.

ce soir. Chez Koé sur Énergie. On est sur Énergie, je m'appelle Koé, Amir est notre invité, ça me fait bien plaisir qu'il soit là. Avec le truc décalé qu'à chaque fois que quand je vois le clip, je vois qu'il Ah mais j'y arrive pas. 29 millions de vues pour J'ai cherché et le nouveau en deux semaines 500 000. J'aime bien rectifier parce que c'est même plus que ça. Le nouveau, il est avec la lyrique, c'est 1 million ensemble, enfin, si on cumule. Et le J'ai cherché, c'est un piège parce qu'il y a une version Eurovision du titre qui est une autre vidéo YouTube. Et elle a 16 millions chez elle. Donc ça fait 16 plus les 30. 45 en gros. Voilà. Donc bien sûr que c'est merveilleux ce que tu as dit. Mais quand on sait qu'il y a plus, ben, pourquoi le cacher? Voilà. Et la raison, tu ferais pareil. On s'est fait voler 16 millions de vues encore, par Eurovision. Tu vois, encore un invité intelligent. Il y en a, ils savent pas compter jusqu'à 45 millions. C'est pas sympa pour les autres. Bah, il y en a eu, Julie, enfin, en 7 ans d'émission, on en a bien sûr connu des. Qui ont disparu d'ailleurs depuis. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, oui, la preuve qui va durer du coup. Bah oui, je te le souhaite. On fait un bisou à Pauline. Ça va, Pauline? Oui, salut Coco, salut l'équipe. Salut, ça va, ma chérie? Je te présente Amir. Vas-y, vous connaissez, vous êtes déjà vu? Je ne sais pas. Vous vous êtes déjà vu? Oui. Oh, le petit. Oui. Donne-moi un peu plus de détails. Non, à l'hôpital pour l'avortement. T'es con, mais t'es con. Ça va, Pauline? Alors, on se connaît d'où? On s'est vu devant le studio la dernière fois que t'es venu à l'émission. D'accord. Très bien. Tu l'as pas vu en concert? Non. Quelque part? Malheureusement. Okay. Si t'étais à l'émission, t'étais là, t'étais dans le public de l'émission ou pas? Non, j'étais devant. T'es de la loose, toi. Hein. T'es même pas dans le studio, tu vas pas au concert, t'as pas de chance. Hein. Et pourquoi t'es pas là aujourd'hui? Eh oui, pourquoi? Parce que je pouvais pas. Ah ben voilà. Il y a des choses plus importantes qu'Amir? Absolument. Tu sais qui va être à la Cigale au mois de novembre? Ah ben je peux pas. Je pourrais pas non plus. Faudrait qu'il décale. Tu pourras aller le voir à la Cigale quand même. De toute façon, je fais le maximum parce que voilà, le voir en concert, c'est un rêve pour moi. 17 gentil, novembre. Pauline, ça me touche. 17 novembre à la Cigale. Ah, c'est bientôt. T'es dispo? Essaye de mettre. Annule ton rendez-vous chez le. Je peux pas, j'ai un truc, il faudrait qu'il décale le 18. 18, je suis libre. Parce qu'il y a Joséphine Ange-Gardien ce soir-là à la télé. Vas-y, Pauline, pose ta question. Donc, ma question, c'était combien de temps tu as pris pour le tournage du clip On dirait et quelle scène a été la plus difficile à tourner? Eh bien, on a tourné en une journée. On a commencé très tôt le matin, donc on a dû partir là-bas la veille, dormir sur place. C'est un super bel endroit où il y a un grand lac et une étendue de dunes de sable. C'est à Latilly, en Picardie, à 1h30 de Paris. Magnifique. On s'est réveillé de bonne heure, on a commencé à tourner, puis ça a duré jusque tard le soir. Parmi les scènes, est-ce qu'il y en a eu une de difficile? J'essaye de réfléchir. À vrai dire, non. Mais il n'y a pas eu de scène difficile pour moi parce que je fais presque la même chose tout le long du clip. Tu sais, je me déplace d'un endroit à l'autre, mais je chante et j'interprète. Mais au moment où tu sautes de l'hélicoptère et que tu atterris dans le gratte-ciel. Ah non, je confonds ça. Il a enlevé au montage. C'est pas le même, là. Voilà, ma belle, je te fais un gros bisou. Je peux juste demander une dernière chose. Mais oui. Est-ce que je pourrais avoir une dédicace d'Amir? Mais oui. Pauline, je te la fais. On lui a mis des petites photos. Je te fais un gros bisou, ma belle. Bisous. Ciao, Pauline. On ne sait pas si tu renifles ou si tu pleures. Le truc c'est horrible. On ne sait pas si elle pleure ou si elle a un rhume. T'as les larmes aux yeux. Elle adore. Tout ça pour le clip de On dirait? Non, parce qu'elle te parle. Oui, je pense. Trop mignonne. C'est ça. C'est ça. T'es tout ému. Et si t'invites à boire un café? Non. Arrêtez, ça commence à me coûter cher en café, ces trucs-là. Bisous, moi, Pauline. Je prends des vins sans arrêt. Non, bah, il y aura Céline dans un instant, il y aura Manon, il y aura Corinne. Tiens, que des filles. Et on se refera le titre d'Amir en live, celui qui vous l'a fait le découvrir. Ah, j'adore ce morceau. Tu sais pas comment il s'appelle, hein, Julie? C'est Kent Jones. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from don't matter to me. She said hola como esta, she said konnichiwa, she said pardon my French, I said bonjour my da, then she said sabase, and I said nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said hola como esta, she said konnichiwa, she said pardon my French, I said bonjour my da, then she said sabase, and I said nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure.

mais, être fier de le faire. Mais nous, on a tendance en France, c'est pas pour faire une autocritique, à trouver les trucs ringards très vite et très fort. Ouais. Interville, le truc avec les vachettes, ça marche encore dans plein de pays du monde. Ouais, c'est vrai. C'est un truc encore où les mecs se suivent avec les Jeux sans frontières et tout, ça cartonne, les gens regardent. Nous, en France, on trouve ça ringard. Ouais, ici, c'est ringard. Fort Boyard, on est à la limite. On supporte encore un peu. Ça fait 25 ans aussi. Il y en a mais dans plein d'autres 27. Pays, ça fait plus que ça. Dans plein d'autres pays, ça fait plus que ça. Il y a des jeux qui sont aux États-Unis, t'as encore le Juste Prix, t'as encore Géopardy, t'as encore tous ces jeux. Nous, en France, on trouve ça trop ringard. Au bout de 2 ans, on les dégage. C'est même fort Boyard. On se fatigue assez vite quand même. Ça fait donc 27 ans que le Père Fouras, il a 105 ans. Et alors, il était. Sauf qu'il est Passe-Partout, sans rire maintenant. Parce que Père Fouras, il a été remplacé, mais Passe-Partout, c'est le même depuis. Ah, ils l'ont remplacé, le Père Fouras. Ouais, c'est pas mort. Il est mort un jour, ils l'ont retrouvé là-haut. Ni vu ni connu, ils ont repris un mec, ils ont dit chut. Et ils ont descendu le corps. Il y a une image où tu vois Passe-Partout d'ailleurs qui traîne un corps. Elle est passée vite fait, cette image. Il leur donnait à manger au lion. Puis à un moment donné, t'entends une mine qui parle, t'entends plouf. C'était ça. Bon, dans le public, on va trouver le prochain Eurovision. Allez, levez-vous. Qui sait chanter? Je veux des gens. Alors, vous me chantez du Amir, vous me chantez qui vous voulez. Si vous ne savez pas chanter, vous me faites du. Ah, il y en a deux, ils sont taqués déjà là. Vous chantez ce que vous voulez. Vous êtes peut-être le talent de l'Eurovision de cette année, mademoiselle. Quel est votre prénom? Camille. Ça va, Camille? Tu viens d'où? De Dunkerque. On y va, Camille de Dunkerque. C'est parti. You. J'ai cherché. Attends. Elle a pris les paroles. Non, non, il y a les paroles en loose-dé. On va faire un truc. C'est où tu sais tricher sans que ça se voit. Ou tu ne sais pas et je t'autorise à prendre le téléphone et à le mettre sous ton nez pour les paroles. Plutôt que de tordre les yeux pour. Tu vois. Tu peux regarder les paroles. Tu peux regarder les paroles. On t'en voudra c'est pas. Ça. On voit pas. Soprano, il fait ça à chaque fois. Hein. Concentre-toi. C'est son métier. Hein, concentre-toi sur le chant. 3, 4, Dunkerque, t'écoute. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocent, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance. Musicali, elle a mis le tempo, mais pas au bon. Elle a mis direct en speed. J'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Allez, le voisin reprend la suite. On reprend You, on y va. You. Allez, vas-y. You the one. Le you the one. C'est l'anglais. Ah, ouais. Finir en anglais. Le lent yaourt. You the one to me. J'ai cherché un sens. Tu fais ce que je dis. On dirait grand corps malade. J'ai cherché un sens à ce que je fais. T'as beaucoup donné. On va te laisser te reposer. Garde le micro. Attention, le prénom. Jessica. Allez, on y va, Jessica. 3, 4. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Je t'aiderais bien pour les claps, mais je sais pas. Donner un sens à mais pourquoi. Tu as tué la peur. Qui dormait là, dormait pas. Je vais caler là. Ah bah alors, et la suite. Faites le you-you-you. Et le you-you. You. You. Ah, t'as fait à côté, mademoiselle, à côté, mademoiselle, le prénom. Ether. On y va, Ether, on est reparti. Sans parole, elle y va, elle est une folle, elle y va, de tête, vas-y, Ether. Tu m'as. Oh bien. Comme donner l'envie d'être moi. Oh, joli, quel vibrato. Donner un sens à, mais pourquoi. Tu as tué la peur. Qui dans mes là, dans mes bras. Ça tremble. Eh bien, nous allons revenir sur notre champion. Oui, attention. Rappelle-moi ton prénom. Ryan de Carcassonne. Ryan de Toulouse. Ah oui. Ryan est un prénom de Toulouse. Bah, oui, c'est bien sûr. Quoi, Ryan, la France t'écoute, Ryan, le monde entier t'écoute. Toulouse t'écoute, Ryan. Ryan, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai oublié. T'as oublié quoi? C'est Black M. Ah, tu chantes du Black M. Tu le dis si t'aimes pas Amir. Non, mais c'est ça, c'est. Voilà. Plus à l'aise sur Black M. Vas-y. Black M, mec, Black M. Allez. C'est toi qui as choisi Black M, hein. Il fait la grimace. Non, mais. C'est le stress à la revue. Non, je stresse pas, enfin, j'ai l'air stressé, moi. Ferme les yeux. Je suis chez moi. Ah, c'est la nouvelle. Ah oui, d'accord. Oh là. C'est un bon début. Il y a pas une intro, genre. Il n'y a pas une intro. Non, écoute, ah, mais t'étais bien. T'étais bien. Je suis chez moi. Vas-y, mets la musique. Prends celui-là, il y a de la réverb, ça va t'aider. Viens là, ça va t'aider, tu vas voir. C'est mieux, il a de la réverb. Et puis ça te met moins l'impression d'être. Allez. C'est encore pire. Ryan. Bon, prends le cas. Mais comme à la maison, mec. Est-ce que tu veux des applauses et une présentation? Tu veux des applaudissements? Ah, mesdames et messieurs, Ryan chez Koya. Pour la première fois, Ryan. Lancement des castings nationaux. Voilà, sachant qu'en première partie de Ryan, il y a eu Amir. Exact. Maintenant, c'est Ryan. Elle s'est fait déchirer, les gars. Black M. Vas-y, 12 points. Donne tout. Putain, Ryan, ça t'arrête bien, parce qu'il y a de la préparation, là, quand même. Tout le monde me regarde. Laisse-moi voir, on y est au centre, moi, me le charme. Un germanique, t'es chez moi. Mes fidèles et d'elles fidèles, la France est belle et belle. La tour Eiffel et belle. On est bien. Quinzaine. Semaine. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Là tu l'as fait, la Le Pen, là, le je suis français, t'as fait. Là t'as fait un je suis français. Là t'aurais louché pendant deux secondes, c'est devenu français. Continue, continue. Non mais. J'ai ambiancé, je suis français. C'est ma fiancée. Ryan a choisi sa chanson. Votre français. Danser. Ryan, eh bien tu as bien fait de choisir. Il se sentait effectivement plus à l'aise sur cette chanson. C'est le meilleur chanteur de fin de phrase que j'ai jamais vu. C'est vrai. Tu sais que tu devrais faire fin de phrase. C'est vachement bien. Bon, est-ce qu'on a le temps pour faire Amir en live? On a le temps tout de suite. Oui, on a le temps. Vas-y. Ah, allez, bah, hey, bravo, t'as fait la première partie d'Amir. Tu pourras rentrer ce soir à télé. Moi, j'ai fait la première partie. J'ai chauffé le micro d'Amir. Et là, Amir, mets-toi en place, on va se faire chercher, d'accord? On se fait ça? Oui, on y va. Et Ryan, il peut rester faire la fin des mots aussi. Et Ryan, il va passer à côté d'Amir, il va faire, ouais, là, juste moyen, là. Enfin, attention, hey. Je vais la chanter ce soir, cette chanson. C'est vrai, tu as chanté celle-là? Ouais. Bah, t'as vu, il t'a fait réviser. Exactement, merci. Eh bien, après la première partie de Ryan, voici Amir. On y va, c'est parti, on va le faire. Troisième fois en live chez Koé. Yeah, yeah. Oh, yeah. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être sans ami, pourquoi tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras ensemble. You, you're the one that's making me strong. I'll be looking, looking for you like the melody of my song. You, sans un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Et tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. You, you're the one that's making me strong. I'll be looking, looking for you like the melody of my song.

Coey sur Énergie. Notre invité sur Énergie. J'espère que ça va bien. Dans cette chanson, on a tous un ange. Énorme. Je suis donc, ça y est, je suis donc l'ange d'Amir. L'ange Coco. Ça va? T'es trop chou comme ça. Ça va bien. Hein, oh là là là là. T'es trop mignon. J'ai envie de t'attraper les ailes. Ah ouais. Qui sera J'adore les anges. Moi. Qui sera mon deuxième ange? J'ai envie de dire Amir, tu es mon deuxième ange. Bah forcément, tu vas pas y échapper. Mets-lui les petites ailes. Bien sûr. Mets les petites ailes. Le principe, Amir, qu'est-ce que ça fait un ange? Ça vole. Ça vole. Et notamment pour l'amour, Cupidon, qu'est-ce qu'il fait? Il tire des flèches pour rendre les gens amoureux l'un de l'autre. Nous avons donc un petit arc. Allez, chambé! Le principe est simple. Amir, tu vas choisir quelqu'un du public, qui tu veux. Okay. Tu tires le premier. D'accord. Et moi, je désignerai une autre personne. Et lorsque je touche de la flèche l'autre personne, les deux devront se faire un petit bisou. Sur la bouche. D'accord. Vous n'aviez qu'à vous brosser les dents avant de venir dans le public. Voilà, c'est tout. Alors tu choisis, public, tour de table, qui tu veux, vas-y. Tu peux prendre quelqu'un à côté de toi aussi, Amir. Hein. J'ai pas besoin de tirer une flèche en fait. Non, tu tires une flèche sur la personne que tu veux ou tu vises. Pense à prendre Julie à un moment donné. Non. Tu sais, je dis rien. Mais... Faites attention quand même, hein, si vous avez fermé vos yeux. Hein, peut-être. Allez, Cupidon, fais ton office. Voilà, nous allons voir sur qui il va tomber. Je sais pas si ça tire fort ou pas, ça. Il me semble que oui. Ouh, oui, ça part bien. Ah, ça part. Sur Mathieu Guillet. Ça part un peu trop fort. C'est Mathieu qui a pris. C'est Mathieu. Ah, Mathieu, ça compte pas. Mathieu, ça compte ah, pas. Si. C'est bon. Ah, c'est l'équipe. Attention, on va relancer. Ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Oh, c'est la demoiselle blonde. Ouais. C'est la demoiselle d'à côté qui l'a eu. Ah, c'est toi qui l'a eu. C'est toi qui l'a eu. Non, c'est toi qui l'a eu. C'est quoi le prénom? Florine. Florine, je vais donc te trouver l'autre personne. Essaye une fille si tu peux. Je vais donc trouver l'autre personne. Ryan, il est chaud. Viens là, toi. Hop là, le jeune homme de là. Allez, le jeune homme à droite. Allez, si. Un petit bisou, le jeune homme. Allez faire un petit. Oh, quoi, non. Du deuxième rang. Sur la joue. Un bisou sur la joue. Sur la joue. Allez, sur la joue. Oh, jeune homme. Oh. C'est toi qui dois te lever pour elle. Hein, c'est une fille. C'est pas toi. Sois galant. Ah, si, c'est toi. C'est lui de devant. C'était mon. Ryan, il meurt d'envie de se lever. Bon, allez, vas-y, toi derrière. Allez, c'est vrai que la flèche, elle est partie entre les deux. Allez, bisous, sur la joue. Tu voudrais la bouche, toi. Hein. Roule une pelle. On n'est pas sûr sur qui la flèche, elle est tombée. Tu peux donner à sa camarade aussi un bisou sur la joue. Ouais, c'est les deux. Si, fais-toi un kiff, mec. Allez, mais vas-y. Il ne sait pas profiter. On te donne, prends. Hein. Voilà. Pas vendé. Voilà, tape. Attention, Amir, maintenant, tu désignes qui tu veux. Tu tires sur la petite. Tu tires qui tu veux, tu choisis. Et là maintenant c'est bisous sur la bouche. Oh, il a pris Julie. Oui, c'est toi. Attention sur qui tu tires. C'est moi qui vais aller choisir. Stouf. On va tirer sur Stouf. Non. Tu peux t'auto tirer dessus, Coco. Je vais choisir. Je tire au hasard. Non. Oui. Si. Allez, recharge. Au hasard. Oh, Gérard Louvain. C'est tombé sur le monsieur. Venez, sur la joue, hein. Ah si, c'est le hasard, Julie. Petit bisou sur la bouche. Non, sur la bouche, on a dit, Julie. Ah, si, Julie, c'est la règle du jeu. Hey, oh. C'est la règle du jeu. Ton fils s'en fout, il regarde un dessin animé. Voilà. Non. Allez, les gars. Julie, c'est la règle du jeu. Je suis mariée. Eh bien, monsieur aussi, vous êtes marié, monsieur? Oui. Quel est le micro, monsieur? C'est quoi votre prénom? Pascal, elle est où votre femme? Elle est pas là. Eh ben voilà, profitez. Elle est pas là. Bon, tu sais très bien, je peux pas boire derrière quelqu'un. Non, mais ça va. T'as mis la bouche dans des endroits pire que ça. Allez, on y va. Il regarde un dessin animé. Allez. Mais fais-le, toi. Mais c'est pas moi qui me suis tiré la flèche. Allez, en plus, c'est séduisant. Allez, petit bisou. J'avais d'autres ambitions pour toi. Désolé. Allez, Julie, on en parle plus. On va y passer des heures. Et il attend, hein. Allez, il attend. Allez. Bisous sur la bouche. Non, pas la joue, ça compte pas la joue. Non, pas la joue, la bouche. Non. Et ton chéri derrière la porte. Il va me casser la gueule la prochaine fois qu'il me voit. T'as flippé, hein. Bon, allez, un dernier, il nous en reste un. Amir, tu choisis, vas-y. C'est pas difficile, moi j'ai une vengeance que je prépare depuis longtemps. Ah oui, Loris, très bien. Non, tu ne bouges pas, t'as pas. Par contre, faut choisir un mec là. Cupidon t'a touché. Loris contre eux. Non. Psycho, c'est relais, c'est Julie. Amir, Julie. Dans le public. Ryan. Qu'est-ce qu'il y a? Ryan. Quoi, Ryan? Bah, Loris et Ryan. Mais non, enfin, Ryan, il a. T'as quel âge, Ryan? Mon copain. Il est mineur. T'as 18? Psycho. Oh non! Ah, c'est trop facile. Psycho, c'est flippé. Je cherche au hasard. Reste là. Psycho, il pue la gueule.

Glock, Zach de Caen, n'oubliez pas la vidéo de la FNAC quand vous êtes venu nous voir, j'aimerais trop la voir. Comment il fait, il est trop fort, Jeff, je suis allé le voir aussi, c'est trop fort. Salut les gars. Alors, t'as fait de la magie en plus avant, être ventriloque, Jeff, t'as fait de la magie. Tout à fait. Putain, c'est énorme ça. On a un magicien qui m'a écrit. Qui m'a écrit et qui m'a demandé s'il pouvait venir te faire un tour tout à l'heure, donc on va le ressort dans quelques minutes. Apparemment, il fait des trucs énormes. Il a été repéré, JM du Standard, par Hélène Desgénérès aux États-Unis. Exactement. Qu'il a contacté pour venir le voir.